de rêve Radio Libertaire, l'émission 100% cinéma d'animation sur la radio donc de la Fédération Anarchiste. Aujourd'hui, décembre 2019, une émission en forme de fourre-tout de l'année écoulée. Pas de best-of, prenant la forme d'arènes dans lesquelles on ferait combattre les films pour savoir lequel est le plus fort, le meilleur. Pas de meilleur film de la décennie, du mois ou de la dernière heure. Non, juste pour l'équipe de Bulle de Rêve complète aujourd'hui, le plaisir de partager avec vous des coups de cœur et quelques coups de gueule de cette année qui s'achève. Mais regarder son passé sans penser à l'avenir n'a plus que peu d'intérêt. Il y a 60 ans, dans son avant-dernier roman The Mansion, le roman français, William Faulkner écrit « Il ne fuyait pas son passé mais son avenir. Il lui fallut 12 années pour comprendre qu'on pouvait ni échapper ni à l'un ni à l'autre. Refuser d'imaginer l'avenir, c'est finalement ne pas prendre ses responsabilités afin de le construire et laisser cette tâche dans les mains de gens de peu de scrupules et ne pensant surtout qu'à leur présent. » Pour identifier, spéculer, rêver du futur de l'animation, beaucoup de monde autour de la table du studio de Radio Libertaire. L'équipe de Bulle de Rêve au complet avec Marie-Pauline Malaret. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Anaïs Gauchot, bonjour Anaïs. Bonjour. Antoine Bieber, bonjour Antoine. Bonjour. Pascal Leduf. Bonjour. Bonjour Pascal. Et Nicolas Tisse, bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. J'avais envie de t'appeler deux fois Pascal parce que comme ça, bien sûr, toujours Nicolas à la réalisation. Et on a chacun presque un invité. Moi j'ai un peu triché parce que de toute façon je savais qu'il était là, c'était pas vraiment mon invité, voilà, mais dans un coin, vous le voyez pas parce qu'il se cache de la caméra, micro, Francis Gavel. Bonjour Francis. Oui, bonsoir Alexis. Ensuite, je vais vous demander chacun, Marie-Pauline, elle n'est pas encore là, mais nous présenter Anaïs et Antoine, de nous présenter chacun les trois invités que vous avez décidé de faire venir aujourd'hui. Marie-Pauline. Oui, alors moi j'ai invité Cécile Noesser de la Galerie Miu et qui nous rejoindra en deuxième heure. Alors vous pouvez approcher les micros, hein, vous avez toute la nuit à faire en plus pour certains d'entre vous, donc quand même. Anaïs, on t'écoute. Mais j'ai invité Salomé Pérez qui est étudiante en troisième année aux arts décoratifs dans le secteur images imprimées. Bah bonjour Salomé. Bonjour. Et Antoine, à toi. Et moi j'ai invité Juliette Marquet, chargée de production à Iki Film et anciennement à Sacre Bleu aussi. Et ben bonjour Juliette. Bonjour. Et donc voilà, toute l'équipe qui est autour de cette table et nous parlerons de tout ça. En intro de cette émission, la musique de générique provient d'un film de 1988 de John Carpenter, Zélive, intitulé de façon catastrophique en français « Invasion Los Angeles ». Un véritable contresens sur la nature même du film. Zélive raconte l'histoire d'un homme sans nom, appelé Nada, rien en espagnol dans le script, qui arrive à Los Angeles sans argent à la recherche d'un travail. Comme des millions de personnes, il va de ville en ville afin de survivre. Après avoir obtenu un petit boulot sur un chantier, il va trouver refuge dans des maisons précaires construites par quelques personnes sur un terrain abandonné. Sa curiosité va le pousser à découvrir que quelque chose se trame dans une église abandonnée près du camp où il vit. Après la destruction de ce camp par les militaires, il découvre dans cette église dévastée des lunettes noires. Celles-ci vont lui permettre de comprendre que nous avons été envahis par des extraterrestres. Comme tout bon film de science-fiction, l'invasion n'est rarement là par hasard. Dans les années 50, bien sûr, dans les films américains, elle représentait la peur d'une certaine Amérique de voir débarquer le communisme, cette fameuse planète rouge, Mars, qui évidemment les représentait. Ici, nous sommes en 88, après deux mandats, du terrible Ronald Reagan, qui a renforcé l'idée d'une Amérique toute puissante et d'un capitalisme triomphant, aidé par de nombreuses personnes, hein, dont bien sûr l'horreur, l'horrible Margaret Thatcher en Angleterre. Le genre science-fiction, où on le sait, permet donc de parler politique de façon déguisée ou évidente. Ainsi, dans Zélive, quand notre protagoniste met ses lunettes noires, il se rend compte que certaines des personnes qui l'entourent sont donc des extraterrestres, mais surtout que nous sommes esclaves de slogans dissimulés derrière toutes les images nous entourant. Ainsi, un panneau publicitaire pour les voyages cache en fait le message subliminal « consommer ». Derrière nos images télé, le message « ne pensez pas ». La critique des années de conservatisme et cette plongée dans un monde de plus en plus capitaliste de la fin du XXe siècle est bien sûr une évidence ici, même si certains ou certaines n'y voient qu'un film de SF sur l'extraterrestre, d'où le stupide Invasion Los Angeles, Carpenter parlant bien sûr ici d'une invasion mondiale de nos esprits et pas uniquement d'une ville. Alors oui, aujourd'hui dans notre monde toujours en lutte, pour juste un peu plus de décence et de respect de certains et certaines êtres humains envers une grande majorité de la population mondiale, il est temps de se réveiller et comme le font les grévistes aujourd'hui, se battre. Mais combattre c'est compliqué. Et dans Zélive, notre héros va s'allier avec d'autres personnes et rallier à sa cause des gens qui pourtant ne voulaient surtout pas se trouver mêlés à tout ça, de peur de tout perdre. Combattre, c'est toutes et tous ensemble. Pas uniquement pour préserver des acquis, mais pour en obtenir de nouveaux. Cette terrible notion de réalisme fait que les gens de la politique, les gens du grand commerce, nous empêchent de rêver, de penser et de pousser un autre monde. Non plus de mettre des sparadraps sur d'énormes blessures, mais bien de retrouver des utopies afin de construire de nouveaux mondes. Amis grévistes, n'achetez pas sur Amazon. Car certes, avec les grèves, il est difficile de se déplacer, mais acheter dans les petits commerces quand on a besoin. N'achetez pas dans les grandes surfaces ou dans les grands centres commerciaux parce que tout est à portée de main. Évitez les McDonald's et Starbucks Coffee qui, on le sait, profitent d'avantages fiscaux et autres. Créons une utopie sur les services, sur la culture. Créons une société qui ne soit plus basée sur le productivisme, sur la consommation et surtout aujourd'hui, la surconsommation d'objets. Attention, c'est difficile et je ne m'impose pas ici en moralisateur, étant loin moi-même d'être dans cette conduite absolument parfaite. Mais plutôt que de se battre uniquement pour garder des retraites ou un service public minimum, il nous faut combattre pour un système basé complètement autour de ces services publics et encore une fois, de la culture, des cultures plutôt, et des sciences au sens large du terme. Quand je suis rentré dans le monde de l'animation, je crois que c'est aussi beaucoup parce qu'il y avait un côté artisanal que je trouvais beau, naturel. Ce côté s'est perdu. C'est sûrement bien dans un sens. Plus d'argent, de meilleures conditions. Mais maintenant, la peur s'est installée dans le monde de l'animation et a malheureusement touché ce monde. Ne pas avoir de boulot, ne pas pouvoir caser tous les élèves qui sortent beaucoup trop nombreux, nombreuses des écoles, qui elles aussi, évidemment, sont beaucoup trop nombreuses. Pourquoi ? Pour la productivité, pour produire afin de se rassurer. Peut-être pas d'être heureux, hein, sauf pour quelques-uns, bien sûr, mais parce que pour les autres, ben, il faut bien manger. Il va pourtant falloir se révolter. Arrêter de sourire dans les festivals aux gens du SPFA, le syndicat des producteurs, des profiteurs de films d'animation, qui sont surtout des producteurs liés à l'audiovisuel, des producteurs qui fabriquent des gueules, des produits en série pour chaînes sans scrupules. Non, non, non, vous inquiétez pas, j'ai pas voulu faire le coup du tous pourris. Seulement pour se remplir ses poches. Il y en a plein qui sont absolument passionnants et certains de ses producteurs sont de bonne foi, bien sûr. C'est juste que le mauvais goût, malheureusement, n'est pas condamnable par la loi. Il va falloir commencer à défendre des vraies valeurs de qualité et arrêter la médiocrité. Il y en a marre de donner au grand public des innombrables suites, comme on voit actuellement. Oui, mais c'est ce que veut le public, nous rétorque-t-on. Comble du cynisme de gens qui veulent créer cette entité, le grand public, qui n'existe bien sûr pas. Ou alors uniquement en manufacturant des scénarios qui plaisent à la facilité, à la flémardise du plus grand nombre, moi y compris, bien évidemment. Les institutions sont de bonne foi. D'ailleurs, de nombreuses séries sont aidées par le CNC et les nombreuses aides des régions. Cela aide quelques auteurs et autrices à développer des projets très intéressants. Mais la plupart ne se feront jamais. Les chaînes de télé donnant des aides au développement pour des séries qu'elles ne produiront finalement sûrement pas. Ces gens-là n'ont aucune envie d'inventer des canaux pour enfin proposer et produire d'autres choses. Alors comme je le disais au début, aujourd'hui je propose qu'on imagine une nouvelle société, une utopie qui se débarrasserait de la production comme unique fondement de notre société. Se débarrasser enfin du productivisme et créer une utopie basée sur les arts, sur les services. Ça demandait aux Français de faire un effort pour enfin devenir républicains, notamment en coupant définitivement avec la religion comme associée à l'État. À nous aussi de faire un effort maintenant. Oui, je sais que c'est un mal qui grandit toute la société, ce productisme à tout va, mais les choses ont commencé à changer. L'idée de partager des ressources, de réfléchir différemment, l'agriculture par exemple, et de nombreuses autres choses. Réfléchissons à un sport, non pas pour être le meilleur, mais pour se dépasser, pour comprendre son corps, pour mieux appréhender ce qu'un esprit et un corps peuvent faire ensemble. Le beau geste, le plaisir et les bienfaits de prendre son temps pour cuisiner des bons plats et les déguster. Des sciences pour le bien-être de tout le monde et des arts toujours florissants. Réimaginons enfin une école qui ne soit pas là que pour inculquer, que pour gaver les élèves, mais qu'il soit là pour montrer qu'apprendre, c'est beau et agréable. On rendrait service aux élèves et aux profs qui reprendraient de nouveau du plaisir. Dans les écoles où je travaille, la plupart des profs pensent plutôt à ce que l'élève trouve du boulot. Je comprends. Et à la fois c'est triste, parce que dans les écoles d'art, on pense à ça plutôt qu'à développer l'expression des gens. J'ai des élèves et des super talentueux et talentueuses avec des idées que je n'aurais jamais imaginées moi-même en tant que prof, mais on n'a pas le temps de laisser développer tout ça. Il faut avoir son diplôme, engendrer de la connaissance, de la technique. Et pourtant l'art, c'est aussi une affaire personnelle. Quand je me plains de ce qui se passe dans le monde de l'animation, on me dit « c'est partout pareil ». Je suis d'accord, mais moi je parle de celui-là parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Et je suis sûr qu'on peut imaginer ça dans les domaines de la science, de la recherche, de la culture au sens large du terme, des services et de tout un tas de choses, dans lequel le fait de juste produire pour produire n'a pas existé. Oh oui, je ne suis pas le premier à avoir des idées comme ça, loin de là, et je ne suis pas fin connaisseur de toutes les démarches politiques qui ont existé. J'essaie de me renseigner. Oui, pour l'instant, c'est qu'une utopie. Mais en tout cas, déjà à mon niveau, dans le monde de l'animation, j'ai la chance qu'on me donne la parole, j'essaierai d'avancer dans ce combat pour une production limitée, ou en tout cas réfléchie. J'y arriverai peut-être pas, je suis d'accord, mais se battre et pas laisser faire, ça me semble important. On a toujours peur du temps, mais au final, ce n'est pas que notre temps à nous qui est important, mais bien celui des idées. Défaire ce que le capitalisme a imposé dans nos têtes depuis toutes ces années va être difficile, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est bien un changement complet qu'il faut, et non pas seulement des bouts de réforme. Notre monde va mal, peut-être pas plus qu'il y a 20 ans, un siècle, ou l'arrivée de l'homme et la femme sur la Terre, mais il est indéniable qu'il va mal. Notre travail, c'est de le faire aller mieux. Et si, comme Naufel, le personnage de « J'ai perdu mon corps », nous tentions, après des malheurs et des erreurs, de dribbler le destin, de faire ce geste, nous avons toutes et tous besoin pour changer enfin de société et d'en créer enfin une plus juste et plus respectueuse. crois au destin? Non, sérieux. Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer. On croit qu'on peut, mais non, c'est qu'une illusion. À moins de faire... un truc complètement imprévisible et irrationnel. C'est le seul moyen de conjurer le sort. Pour de bon. Un truc comme quoi? Un truc... Je sais pas, n'importe quoi. Là, tu marches tranquille. Tu fais semblant d'aller là. Tu fais une petite feinte, comme un dribble. Un écart. Et hop, tu sautes sur la grue. Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça. Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi? Après? Tu t'arranges pour pas qu'il te rattrape. Tu fonces tête baissée et tu croises les doigts. Quoi? Pardon. Quoi? T'as pas faim? J'ai commandé une pizza. C'était la musique de Dan Levy pour J'ai perdu mon corps, l'un des grands événements 2019. Je ne sais pas si on en parlera, on en a déjà beaucoup parlé lors de Bulle de Rêve. L'un des événements aussi, vous le savez, c'est comme d'habitude le marathon que va proposer tout à l'heure Francis Cavel, Thomas Fou, enfin tout le monde, avec plein de gens qui sont autour de la table, qui vont tenir à peu près d'aujourd'hui 21h jusqu'à normalement la semaine prochaine. Comme ça, ils loupent Noël et le Nouvel An, ils ont essayé de le promettre. On ne sait pas trop si ça va tenir, mais voilà. Non, ils vont rester à la soirée, rester, parce qu'en plus, il y a des choses assez exceptionnelles, notamment la première demi-heure. Ok, j'avoue Francis, ou un certain, avec un groupe qui s'appelle les Free Blind Mice, un certain Félix Huno, donc, qui a un lien de parenté plus ou moins important avec moi, donc mon frère sera là et je suis ravi, merci Francis, le groupe, et en plus ils vont jouer avec Sébastien Malo, avec Malo Mazurlé, pardon, Sébastien Girardot, je mets les deux, Malo Mazurlé, ils vont jouer en direct, voilà, donc ça va être assez exceptionnel, en tout cas j'espère, il ne va pas me faire honte. Bulle de Rêve, qui veut commencer? On, c'est le fourre-tout. On dit ce qu'on a envie. Il y a des choses ou quoi. Allez, je commence pour vous laisser un petit peu. Ok. Le film le plus important de l'année pour moi. Le film qui m'a bouleversé comme pas possible, qui est resté 3 jours à l'écran. Donc pour moi, l'une des choses les plus extraordinaires de 2019, c'est Villeneuve, le film de Félix Dufour-Lapeyrière, qui était sorti pour certains en festival en 2018, qui était passé à Venise. Malheureusement, aurait dû passer en compétition officielle à Annecy et ils n'ont pas voulu le faire passer en compétition officielle parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop off-limits, on va dire. Donc l'année d'après, il y a eu comme nouveau cette année, enfin la première année, donc ils ont créé cette compétition, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Contre-champ. Et donc voilà, donc il s'est retrouvé dans Contre-champ. Mais Villeneuve de Félix Dufour-Lapeyrière qui continue à faire un travail qui est assez extraordinaire. J'aime beaucoup J'ai perdu mon corps, je l'ai dit, mais quand on parle d'intime, là, d'un seul coup, c'est un film qui parle beaucoup plus de l'intime. On n'est pas dans l'universel, même si ça peut l'atteindre, mais en tout cas, on est vraiment sur des gens, de personnes qui vont essayer de se retrouver l'un l'autre sous fond de vote hein, pour l'indépendance du Québec et le film, et je trouve bouleversant. Voilà, je sais qu'au moins, autour de la table, il y a au moins une personne qui a bien aimé, puisqu'il en a fait son profil Facebook, sa photo à un moment donné, donc je sais que Francis a bien aimé au moins. Voilà, pour moi, c'était, je lance les choses qui m'ont touché en 2019, je sais pas, Marie-Pauline. Ben, tu me piques un de mes principaux coups de cœur, parce que moi, c'est mon film préféré de l'année, mon long-métrage préféré de l'année. Tout confondu, okay. Et même je te dirais qu'on m'a demandé de faire un top de la décennie et que pour moi il est déjà dans ce top de la décennie, voilà. Parce que je pense que c'est un film qui va me rester bien au-delà de cette année. Donc vous l'avez compris, si vous voulez dire quelque chose sur Villeneuve, c'est le moment, sinon on enchaîne. Donc vous dites, Pascal. Non, je vais dans votre sens, c'est vraiment une... C'est un très beau film sur le couple, sur sa fin, sa possible renaissance, et qui parle à tout le monde, et avec ce cadre très personnel, très local, qui est ce référendum. Mais il touche à l'universel, avec juste des personnages qui parlent, et qui essaient de se dévaler. Juste en croisant les doigts qu'un jour, à un moment donné, on pourra enfin le revoir, parce que je pense qu'il ne joue quasiment dans plus aucune salle aujourd'hui et que c'est un peu une catastrophe quand même, évidemment, de voir, et on le sait, donc peut-être qu'on en reparlera aussi à un moment donné, la complexité évidemment de se battre contre énormément de gros films, et que quand La Reine des Neiges 2 sort, quand je dis souvent, quand je râle contre ces films-là, c'est pas uniquement artistique, c'est aussi par rapport au fait que La Reine des Neiges 2 en ce moment, Star Wars, c'est absolument ça prend énormément de salles, on sait bien à quel point c'est impossible, et là Villeneuve, j'en parle, et tout le monde évidemment, et là on en parle, et c'est impossible à voir, quasiment, donc il y a quelque chose. Quelqu'un veut enchaîner? Alors, c'est pas mal, ce que vous voyez pas, vous êtes, mais on a un problème de lumière, mais c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, faut taper dessus, et donc Francis de temps à autre tape, mais ça nous fait une espèce de lumière, de truc. Il ose pas trop. Ouais, ça va être un peu notre gag, je pense, pendant les deux heures, mais voilà. Marie-Pauline, tu veux enchaîner sur autre chose? 2019, c'était quoi pour toi? 2019, c'était plein de films et plein de choses, mais moi j'avais envie de... Est-ce que j'ouvre la voie pour les choses un peu plus négatives qu'on a envie de dire? Allez, vas-y. Moi j'avais envie juste de relever, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste quelque chose qui m'a frappé quand même cette année, et à différents niveaux, c'est le propos d'une réalisatrice, qui est une réalisatrice assez connue, qui a fait un film cette année, qui est un film d'animation, et qui en parle en interview en parlant de son film, on a l'impression de voir un film, quoi. Avant de voir un film d'animation, on voit déjà un film. Et alors, j'étais très, très interrogée par ce propos, parce que déjà, il y a des journalistes qui ont gardé cette phrase en interview et qui l'ont donc mis en ouverture d'interview. C'est une interview qui dure peut-être 5 minutes. Et puis elle a dit ça sans du tout apparemment réaliser que, visiblement, elle pensait que d'habitude, l'animation, c'était quand même pas vraiment du cinéma. Et que c'était hyper symptomatique, et que c'est hyper symptomatique parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont relevé cette interview. Bon, je fais pas durer le suspense plus longtemps, évidemment, il s'agit de Zabou Breitman, parlant des hirondelles de Kaboul. Et voilà, et en entendant ça, j'étais quand même assez pétrifiée de me dire comment est-ce qu'on peut, encore dire des choses comme ça. En plus, elle fait un film d'animation elle-même, donc elle rejoint quand même un peu la famille et avoir cette espèce de distance. Alors, je vous passe le reste de l'interview, en tout cas, le reste de la séquence où, elle explique aussi qu'il fallait que les personnages jouent bien, parce que d'habitude, en animation, ils jouent très mal. C'est même une espèce de contrat, je pense. On vous leur demandait de jouer mal. Il y avait tout un tas de choses comme ça. Il fallait qu'ils aient la tête des acteurs, qu'ils soient très incarnés. Et plein de choses qui me donnent l'impression qu'elle a fait un contresens, en fait, sur ce qu'était l'animation. Et peut-être que c'est bien qu'elle retourne en prise de vue continue, en fait. C'est intéressant, parce qu'en plus, au niveau des médias, c'est vrai qu'on l'a vu seule, elle, et que la co-réalisatrice quand même de l'animation en grande partie, a quasiment été... moi, je me rappelle pas, j'ai peu vu, j'ai pas la télé, mais chaque fois que j'ai vu des images, j'avais l'impression que Zabou était seul, et que Eléa, allez, aidez-moi pour le... J'avais même souvenir de son nom entier. Merci beaucoup à Nicolas. Elle a rarement quasiment pas été un truc. Nicolas, oui. En même temps, il y a une espèce de forme de continuité dans son propos, puisque le film, je me rappelle l'avoir vu présenté au Cartoon Movie en 2013 avec uniquement donc Zabou Breitman qui était là et le producteur qui était à l'époque encore Didier Brunner et qui avait l'air un peu catastrophé quand elle a fait une espèce de monologue pendant plus de 10 minutes en train d'expliquer à un parterre de, plusieurs centaines de professionnels, producteurs, etc. Des choses d'une niaiserie totale, genre « Non mais vous vous rendez compte, le son dans l'animation, c'est vachement important !» Et au final, je trouve qu'il y a quand même une continuité d'année en année, finalement, dans les propos ineptes qu'elle peut tenir à propos de l'animation. Alors, est-ce que c'est inepte, ou est-ce qu'on peut se poser aussi la question, peut-être, pour pas non plus que râler, que dire que ces gens-là, c'était comment il s'appelle? Vous allez m'aider, Dipan, le réalisateur? Jacques Audiard, qui sortant de J'ai perdu mon corps, il l'a vu lors de la soirée d'avant-première, disait c'est incroyable, il y a dans ce film plus de mise en scène que dans 80% des films de prise de vue continue. Et la phrase était à la fois jolie, Jérémy Clapin était content, etc. Et à la fois j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas finalement le monde de l'animation, et que là finalement ils découvrent. Je pense que Zabou Breitman n'a peut-être jamais vu, sauf, et je vais être un peu condescendant, peut-être avec ses enfants elle a vu Shrek 2 ou ce genre de choses, mais que finalement je ne suis pas sûr qu'elle connaisse réellement ce qu'est le monde de l'animation. Et c'est évident qu'elle n'a jamais vu Villeneuve, et que là, c'est la première fois qu'il commence à avoir les rondelles de Kaboul, J'ai perdu mon corps, et c'est peut-être en ça d'ailleurs que 2019 est une année un peu exceptionnelle aussi pour le long métrage, et on peut en reparler, c'est que finalement, tous ces longs métrages ouvrent le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, bien évidemment, on en a parlé, première fois. Jérémy Clapin qui est nominé meilleur réalisateur aux Lumières, ce qu'on n'avait jamais vu avant, alors que Jean-François Laguioni, par exemple, aurait largement pu être nominé pour Louise en hiver à son époque, etc. Et là, je sens avec ses yeux brillants que Francis Gavel a sorti son carnet et veut dire quelque chose. Donc Nicolas, si tu veux, mais sinon, je sens que Francis frétille. Non, je frétille pas. C'est pas mon habitude de frétiller. Non, mais parce que c'est évidemment c'est très intéressant ce que vous dites. Et Zabou Breitman, on connaît. Moi, je sais même pas s'il faut qu'elle revienne à la réalisation en prise de vue réelle. Hein, juste en actrice, elle est super. Non, mais parce que j'ai un petit truc aussi là dans le cadre des gens qui font des déclarations. C'est en parlant d'un autre film qui pour moi est un des grands films de cette année en anime. La mise en scène est volontairement sobre et efficace. Le découpage loin des habitudes frénétiques. L'animation réduite à l'essentiel, comme avec des acteurs de films pour de vrai, qui n'ont pas peur du vide et ne gigotent pas devant la caméra. C'est pas vrai. Si, tu l'as inventé. Non, c'est dans le dossier de presse, en fait, d'un film que j'aime beaucoup, justement, parce qu'il a toutes ses qualités. Mais en fait, c'est le co-réalisateur du film qui l'a dit. Quand il arrive sur le projet, parce qu'il s'y attend pas du tout, c'est Xavier Picard pour Le Voyage du Prince de Jean-François Laguioni. Donc, moi, je voudrais pas vous faire de peine, hein, mais même en animation, il y a des gens qui savent pas que c'est du cinéma. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'est pas tout ce que tu vas avoir à dire, mais tu vas nous revenir juste. En plus, ce qui est très étonnant de la part de Xavier Picard, c'est qu'il a fait un Moomins à la Riviera qui est justement très joli et qui n'est pas du tout truc. Donc après, est-ce que là on n'est pas dans de la vente? Mais la question un petit peu Nicolas et Francis. Ouais. Ouais, la question qu'on veut se poser aussi, c'est finalement, est-ce que la plupart des gens qui font du long métrage d'animation, puisqu'on est quand même dans le long métrage d'animation ici, connaissent bien ce qu'ils font en dehors de la technique? Non, puis Francis. Après. Là, quand il dit ça, et moi je le prends pour une qualité, hein, quand il le dit, mais là c'était intéressant de le faire résonner avec ce que disait Zabou Breitman, et puis peut-être aussi que tu parlais de choses qu'on n'ose pas en animation, qu'on n'ose pas encore aujourd'hui, et que finalement ose Félix Dufour-Laperrière, entre autres dans Villeneuve, notamment quand il fait cette espèce de splendide plan séquence en travelling latéral sur la mère et son fils qui parlent ensemble, et derrière vaguement on voit un petit peu que ça bouge, il y a quelques ombres et qu'ils ont une conversation, mais d'un intime qu'on va trouver dans n'importe quel film français, quoi. Et il ose le faire, il va jusqu'au bout. Je pense qu'il y a plein de gens, et c'est pour ça que Xavier Picard d'un seul coup est surpris quand il arrive sur le projet de Jean-François Laguioni, alors qu'effectivement il a fait un Moomins à la Riviera qui est splendide, que d'un seul coup on ose le faire. Parce que, là je rejoins effectivement Nicolas, dans le cadre du long, commercial, au sens large du terme, hein, y compris le commercial d'auteur, eh ben, on va quand même hésiter, et que peut-être les sources de financement vont vous contraindre, au lieu de laisser s'exprimer une liberté artistique, vont vous contraindre, non ça, on ne peut pas le faire. Pascal, le dernier, puis après on peut... Oui, on parlait dans le sens de ce rapport à l'animation. Moi, j'avais fait partie d'un jury de court-métrage, et notre jury a primé un film d'animation. Et il y avait un autre jury qui nous a limite engueulé parce qu'on l'avait fait en disant « Mais vous n'aimez pas le cinéma, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur un film d'animation alors que nous, on est 30 sur un film de prise en vue réelle. » Et on nous a ils étaient en colère, quoi. Enfin, c'était des artistes, ça m'a super choqué, quoi. Mais comme quoi, il y a encore du boulot, et je rejoins assez ce que dit Francis. Il suffit de voir je suis désolé Pascal, mais je vais devoir parler de Klaus quand même. Il suffit de voir le succès qu'a Klaus dans le petit monde de l'animation, qui est assez incroyable. Tout le monde adore Klaus, qui est un film quand même assez insupportable, au bout de 20 minutes, quoi. C'est vraiment... Non, quand je dis tout le monde, pardon Antoine. Beaucoup de gens, excuse-moi. Voilà, je me fais il ne parle pas, mais sa moue était suffisante. Non, je suis d'accord avec toi. Beaucoup de gens dans le monde de l'animation se gargarisent, passent les making-of en disant que c'est incroyable comment ils ont fait. Alors c'est vrai que le film est pas très bon, et je pense qu'il y a une méconnaissance aussi énorme du monde de l'animation, des gens qui arrivent dans l'animation, de ce qu'on peut réellement faire dans l'animation. Encore une fois, moi qui ai la chance d'être proche, je me rends compte des fois quand je montre des choses que les gens sont très limités au début, hein, par leur connaissance. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure qu'il y avait trop d'écoles, s'il vous plaît, les écoles, continuent à faire. Et c'est vraiment pas pour me demander du boulot. Là, j'ai plein de gens incroyables en face de moi, Nicolas Tisse, Francis Gavel, Marie-Pauline Mollaret, voilà, invitez-les, faites qu'ils soient profs, mais n'oubliez pas la théorie, parce que, et n'oubliez pas de montrer des films, c'est quand même quelque chose qui est super important, et si on ne montre pas des films aux jeunes réalisatrices et réalisateurs, c'est quand même très très embêtant qu'ils ne se rendent pas compte de des possibilités qu'il y a. Allez, est-ce que quelqu'un, Anaïs, tu veux dire quelque chose sur 2019 ? Tu veux lancer quelque chose ? Non, c'était plus par rapport à ce que là on venait de dire, je trouve ça intéressant parce que on parlait de... cette division qui était faite entre le cinéma live et le cinéma d'animation, et en fait au sein même du cinéma d'animation, on est en train de se diviser pour présenter des dossiers qui s'adressent à un public plutôt comme un grand public, comme tu disais en introduction, et un autre public plus connaisseur, et que au final même dans le médium, on n'arrive pas à s'accorder. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau ici en 2019? Je sais plus avec qui en parlant, en disant ça y est, on commence à s'engueuler dans le petit monde, si je me souviens très bien quand c'était. Mais voilà, c'était. Est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau aussi et que finalement, je me rappelle qu'au moins deux personnes de cette table, que je ne citerai pas, c'est un peu comme Zabou, avaient dit ah bah voilà, ça y est, le monde de l'animation ressemble au monde de la prise de vue continue. Ils y arrivent un peu avec des cancanements. Ne me cherchez pas à qui. Je suis très bon prof, je regarde tout le monde, comme ça on a l'impression que ça peut être n'importe qui. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? C'est-à-dire que moi, quand je dis, par exemple, j'avoue, il y avait un côté artisanal, et je sais pas si c'est mieux ou là, c'est même pas, mais il y avait un côté artisanal quand je suis arrivé dans le monde de l'anime, et là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui peut-être dépasse beaucoup de gens, et qu'en effet, faut qu'on trouve une place où situer chacun entre les arts et essais, on va dire, je fais du grand public, etc., et peut-être enlever cette frontière à un moment donné, hein, je dis pas, mais voilà, ça, quelqu'un veut réagir par rapport à ça ou pas, Marie-Pauline? Moi, je pense que ce serait peut-être une manière de réunir, finalement. On pourrait peut-être mettre d'un côté l'animation et la prise de vue continue, très ARS, qui s'adresse finalement au même public, même si les gens ne le savent pas toujours. Et puis laisser ensemble les autres qui font des gros films et des grosses machines. Et c'est très bien, il en faut aussi, mais je veux dire, ils sont très bien ensemble avec leur public. Et peut-être que l'animation pourrait faire ça, ce trajet, de se rapprocher de l'ARS en prise de vue continue. Plus parler de technique, mais parler de cinéma. Ouais, alors, justement, n'étant pas dans le monde de l'animation, mais de mon point de vue du coup extérieur, je pense que l'animation gagnerait aussi à essayer de sortir des salles de cinéma et d'essayer d'aller vers les galeries ou essayer d'aller frotter nos cervelles avec des plasticiens ou des gens qui n'ont pas forcément de regard sur l'animation en tant que telle, mais qui pourraient du coup lui donner un autre souffle. Peut-être loin du grand public, entre guillemets. Ça, c'est intéressant. Antoine, tu voulais réagir? Oui, après, ouais. dans la continuité de ça. On est quasiment en fait déjà la deuxième partie. On va tout mélanger, c'est ce que j'ai mis dans le bulle de rêve. On est en train déjà de dire, bon, qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? Merci, c'est parfait. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se rapproche même par un genre, en fait. Enfin, voilà, on échange. Parce que moi, une des choses qui m'a impressionné cette année, c'est à quel point, pour J'ai perdu mon corps, on a dit que dans le genre, ça faisait des choses très nouvelles et que ça innovait. Mais en fait, ça innove en animation dans le genre. Quand on connaît les films de genre qui ont déjà été faits en live, ça s'inscrit dans une tradition. C'est pas, enfin voilà, il y a pas de réelle nouveauté sur ce point-là. Et je pense qu'on gagnerait à se rapprocher aussi et à connaître notre histoire par genre, en fait. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur à un moment donné? Moi, je dis souvent, en fait, de s'appeler animation, on s'est trouvé nous-mêmes comme un genre, même si on râlait en disant non, on n'est pas un genre, on est une technique. Mais on s'est retrouvé en étant un genre, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire en prise de vue continue, on le fait en animation, et que finalement, plein de gens dans le monde de l'animation même s'empêchent. Et encore une fois, j'ai vu quelqu'un dont je tairai le nom parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et il a fait un film superbe cette année, vraiment que j'aime énormément, mais je l'ai vu en commission du CNC. Si jamais il écoute ça, il entendra comme ça, il le saura. Dire quand même, ah, je vois pas pourquoi on fait ce film en animation. Et c'est un réel d'animation, et on veut dire, qu'est-ce que tu racontes? Bon, ça, on a parlé un petit peu ensemble, et je comprenais ce qu'il voulait dire, mais la seule chose, c'est de dire, non, ou le film, tu le trouves intéressant ou pas. Et c'est vrai qu'on s'est un peu piégé, et que aujourd'hui, dire tel film, c'est tel genre ou tel genre, je pense que c'est très difficile. L'heure de l'ours est des films que j'aime, je vais prendre des vins. C'est quoi comme genre? Alors, c'est un train psychologique, on peut essayer, mais c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on s'est peut-être un petit peu piégé par rapport à ça. Pour juste rebondir, c'est évidemment très important ce que tu viens de dire, Salomé, par rapport à ça. On en a quelques-uns. Boris Labbé essaye de le faire, Todor Ushchev. La seule chose, c'est quand ils disent ça c'est un peu notre problème, on le verra avec un grand artiste sud-africain qui va avoir une grande exposition bientôt dans le Nord, hein, à Lille, j'oublie le nom à chaque fois parce que j'ai pas envie de le dire, hein, qui est Kentridge, tout à fait. Kentridge refuse de dire qu'il fait de l'animation, et donc en fait nous c'est dommage aussi parce qu'on a besoin aussi que les artistes contemporains qui utilisent de l'animation disent aussi, bah oui je fais de l'animation, je fais pas du motion design, ce fameux truc et tout, se dire je fais de l'anime, sauf que je le prends dans mon truc à moi et je mélange, et je pense que t'as raison, je pense qu'il faut qu'on aille peut-être que Cécile pourra nous en parler en deuxième partie avec sa galerie, mais qu'on pourra faire justement un pont un pont entre les deux. Antoine, De toute façon, je pense qu'on va, je pense qu'on va mélanger 2019 et l'avenir, donc c'est plutôt cool, donc vas-y, on verra bien. On peut parler, continuer justement sur cette question avec, moi je voulais parler un petit peu du documentaire animé, une des choses qui m'a un peu fâché cette année, c'est que j'ai discuté avec beaucoup de, alors notamment de réalisatrices de documentaires animés, et qui m'ont expliqué le parcours du combattant que c'est d'essayer de produire un film comme ça, et je trouve ça hallucinant. Sinon, avec l'histoire qu'on commence à avoir du documentaire animé maintenant, Ryan, ça a quand même, ça existe depuis plein d'années, ça a été un marqueur hyper important. On en a eu plein depuis, et en fait, c'est toujours la guerre, notamment aux chaînes de télé, parce que en court métrage, il se renvoie la balle avec le documentaire qui veut des 50 minutes, enfin des formats, et puis du documentaire qui est explicatif, qui prend le spectateur par la main et qui est pas du tout un documentaire d'auteur. Et voilà, c'était mon coup de gueule de cette année. Je rappelle par rapport à sur la table, comme ça je regarde tout le monde et tout. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à vous dire et tout. Et si vous voulez réagir, c'est au contraire avec grand plaisir. C'est le plaisir de Bulles de Rêve. Donc pardon, mais parce que ouais. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on se batte beaucoup par rapport à ça, parce que pour moi, c'est important que cette forme existe plus, parce que c'est une des rares formes qui est politique en animation. Alors on a un pro. Ouais, Nicolas. J'ai juste une question. Est-ce que tu as l'impression que c'est la même chose pour le court-métrage, la série et le long-métrage, ou alors est-ce que c'est plus difficile justement pour, comme tu parles de chaîne de télé, plus pour la série ou pour le format télé type 26 minutes? Alors pour le coup, je suis pas spécialiste en production et je sais pas si toi tu en sauras plus, Juliette, mais les expériences que j'ai eues là, c'est les retours d'expérience, c'était autour du court-métrage vraiment et des cases court-métrage. Mais il y a ça pour Flic, un film qui est en train de se terminer, et il y a eu Paula Picanovo a donné à de l'argent. Ah, c'est l'animation, mais non, mais c'est du documentaire. Si c'est du documentaire, on vous donne beaucoup moins si c'est de l'animation, par exemple. Donc c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi? Ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que l'animation, ça peut être expérimental, ça peut être documentaire et ça peut être fiction. Et qu'aujourd'hui au CNC, on a quand même, notamment au CNC, faut cocher la case fiction, expérimentale ou documentaire, et que finalement, on a aussi animation, mais que l'animation, ça peut être tout ça. Et donc d'un seul coup, des fois, moi, je me retrouve, moi, en lecteur animation, dire bah oui, mais c'est un vrai documentaire, ça ferait mieux de passer dans la case documentaire, sachant très bien que les gens de la case du documentaire vont dire ah non, c'est de l'animation. Et le problème que ça va créer, et que moi je peux vous le dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que moi je le vois, le nombre de boîtes de production, et c'est très bien, qui se créent de plus en plus, et le nombre de jeunes auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices qui se mettent de plus en plus à faire des films. Moi, en commission, je sais pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait les commissions de lecture, je sais notamment Francis, toi Marie-Pauline, pas pour l'anime, hein, pour la prise de continuer, mais moi c'est la première fois où je vois à chaque commission quasiment la moitié de boîtes de prod que je connaissais pas avant. Mais à chaque commission, c'est-à-dire tous les deux mois, mois et demi, je voyais, je connaissais pas. Alors qu'avant, on avait, on va caricaturer, mais on avait Sacrebleu autour de minuit, les films du Nord, on avait nos 10-15 qu'on avait. Et d'un seul coup, aujourd'hui, c'est assez fou. Et donc aussi, ce côté-là fait qu'on a, c'est une espèce d'impossibilité aujourd'hui de produire plein de choses et tout. Et donc c'est vrai que moi, j'avoue, dire, non, ça c'est du documentaire, moi je peux pas le juger par rapport à ça. Donc ce qui va être très complexe. Je sais pas, quelqu'un voulait réagir, Juliette? Non, c'est vrai ce que tu dis sur le fait qu'il y a beaucoup plus de sociétés de plus en plus tous les ans. Et moi, j'entends ça depuis que j'ai commencé à travailler. Avant même que je travaille en production, on disait ça, qu'il y avait de plus en plus de sociétés, de plus en plus de films aussi qui étaient produits tous les ans. Je pense que ce qui est intéressant du point de vue de l'animation, c'est qu'il y a de plus en plus de producteurs qui produisent et de l'animation et de la prise de vue réelle en réalité. Enfin, je pense par exemple aux valseurs qu'on voit Chouma cette année, mais qui sont par ailleurs des producteurs de prise de vue réelle aussi. Sacrebleu fait aussi de la prise de vue réelle. Nous, chez Iki, on fait aussi de la prise de vue réelle. Et je pense que voilà, cette porosité, cette circulation, elle est nécessaire. C'est nécessaire que les réalisateurs et les producteurs de films de prise de vue réelle se nourrissent aussi de l'animation. Enfin, je trouve qu'il y a effectivement en documentaire encore plus, mais là, enfin, on disait que c'était difficile de faire des documentaires animés. Là, chez Iki, on a un film là qui monte à la contribution financière du CNC et qui est préacheté par Arte. Donc, ça, c'est possible, ça existe, c'est compliqué. Et je pense que c'est intéressant aussi, dernière chose, que ces films, enfin, pour eux, c'est intéressant qu'ils passent dans des comités animation parce qu'en fait, on leur donne plus d'argent qu'en documentaire. Parce que tout le monde sait que l'animation, c'est infiniment plus cher à produire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est aussi que les institutions, on rêve, hein. On est dans la deuxième partie de mi. Je vous l'avais dit, on est dans l'avenir. Ce qui serait intéressant, c'est que donc, bah comme Thomas et Pauline qui fait les deux par exemple, Francis qui vous faites les deux, c'est d'avoir dans les commissions par exemple des gens qui connaissent aussi l'animation et qui vont dire non, alors celui-là, tout le monde va le juger, mais ça c'est de l'animation. Donc on décide de donner un peu plus d'argent que ça. Bon, moi je me rappelle un film produit par Iki Film hein, qui n'avait pas eu de l'argent, qui était avec Keshulienne, Cerise Lopez et Agnès Patron. Et moi j'étais dans après recette, c'est-à-dire voilà, après production. Je suis toujours nul moi dans ces termes-là ou quoi. Et je me rappelle, on voit, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais on passe une journée ou deux à regarder tous les films en entier. On ne peut pas couper. Et Dieu sait s'il y a des choses vraiment terribles. Et Keshulienne, tout le monde avait adoré. T'es arrivé en numéro un des votes. C'était vraiment incroyable. Et au moment de financer, c'est lui qui a le moins d'argent. Et j'ai dû là râler en disant, il y a un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre. Oui, mais il y a de l'argent. En animation, c'est différent. Là, c'est un pauvre documentaire qui a pas d'argent. Oui, mais quand même, c'est un peu embêtant parce que vous préférez là, mais vous pouvez pas. Oui, mais là, on sait que c'est pas le bon devis. Et là, je me suis arrêté. J'ai dit, donc là, vous êtes en train de me dire devant des cadres du CNC que ces gens-là ont fait des faux devis. Alors, évidemment, je sais que ça se passe de temps en temps, mais enfin, et c'était terrible. Et que finalement, j'ai dû me battre juste pour que Keshulienne allait un tout petit peu plus, alors qu'il voulait lui donner à la base, je sais pas, 10 000 ou, enfin, vraiment rien, alors qu'il pouvait prétendre à 30 000 euros. Donc, c'est vrai qu'il y a encore une. Oui, c'est insensé. En plus, c'est un film très long. En plus, oui, il s'est fait plus de 20 minutes. Enfin, voilà. Allez, avant de prendre une petite pause, moi, j'aime. Comme ça, vous serez plus tranquille pour vous dire des trucs comme ça. Moi, je suis très content. Moi, j'ai aimé L'Or de l'Ours. Agnès Patron, quand vous l'aurez pas compris, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, et J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, auquel on n'en a pas parlé, comme ça, regardez. Je peux les barrer de mon petit papier, et je vais vous dire, parce que je suis très content, et ben je suis très content d'avoir vu Envy au Hellfest. Ça n'a aucun intérêt, parce que c'était du métal, mais je voulais quand même vous le dire, et on va écouter la prochaine pause. On a dit, Antoine, que tu nous en parlais maintenant, ou on en écoute? Allez, on écoute Dust to Dust, de Fig. Et Antoine nous expliquera pourquoi il voulait nous faire écouter ça aujourd'hui, à part que c'est un pote. Dust to dust. on vient d'écouter donc Dust to Dust de Fig. Fig, c'est Thomas Machard, qui est effectivement un ami, mais dont j'aime beaucoup l'album qui est produit chez les Lillois de Bruit Blanc. Voilà, vous pouvez aussi aller écouter tout ce qu'ils produisent parce que c'est vraiment très très chouette, notamment Yon Bashing. Et voilà. Ah, et puis Dust to Dust, c'est vraiment aussi un bel album. Et ça fait, c'est pas la première fois qu'on écoute des compositions de Thomas Machard. On l'avait écouté quand il faisait Run Jump Punch. Et maintenant, donc, il arrive avec autre chose. Et plus ça avance, comme des fois, on sait bien, plus ça prend de la qualité. Allez, comme ça, c'est moi qui commence. Un des coups de cœur de cette année, parce que je suis content d'y avoir été, c'est le festival du film court en plein air de Grenoble. J'ai pas aimé la première séance qui a été une séance en plein air, avec des gens qui parlaient tout le temps. Moi, je suis un peu chiant, donc ça m'a agacé. J'étais un peu énervé d'avoir le truc, d'avoir les 8 devant qui... Mais c'est un, à part ça, c'est un super festival, c'est plutôt super convivial, c'est bien. Et j'ai fait, j'avoue, un bon jury avec deux personnes dont... Nicolas qui est là, Hello Ortuno qui était avec nous, et on a donné un à la Fémis et un à Agnès Patron, donc celui de la Fémis, ça y est, horrible, j'ai oublié le nom du film. Bloom. Bravo, merci beaucoup, d'Emmanuel Fraisse. Bloom, voilà, très très beau, on se complète bien, très très beau film, et donc j'étais très content, voilà, d'aller au festival du film court en plein air, parce que, bah, et puis en plus Peggy, pareil, avec son nom impossible. Quelqu'un s'en souvient ? Sagemann. Il est plus long normalement, si je me souviens bien. Mais en tout cas, ouais, non, super, super, super bien. Je supprime film de plein air. Allez, Pascal. Le coup de cœur de l'année ? Ce que tu veux, truc de l'année. Ok. Bah, moi, j'ai un gros fait pour Le Voyage du Prince. Et je me reconnais dans ce film-là. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, sur la captation de... Des peurs face à l'étranger, à l'inconnu. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, c'est affreusement la continuité de Gwen. Enfin, c'est, dans les deux films partagent une même peur de l'autre, une même peur de la connaissance, du partage. Donc c'est comme si en 40 ans, rien n'avait évolué. Et l'agonie est quelque part entre l'espoir et le désespoir complet, donc moi ça m'intéresse beaucoup. C'est à la fois on montre une réalité qui est terrifiante, c'est que dès qu'il y a un étranger, dès qu'il y a un réfugié, dès qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a peur. Et pourtant, on sent quand même qu'il a envie d'espérer, parce que le film n'est pas lugubre. Il y a encore des personnages qui espèrent, des gens qui espèrent, des jeunes, des vieux qui ont envie d'un avenir un peu meilleur. Mais c'est une lutte, quoi. On l'entend dans la rue, on l'entend tout le temps. Et lui, avec son film, essaye de montrer la réalité, qui est que l'autre, ben, c'est un emmerdeur, c'est, il va nous prendre la place, il va nous prendre tout. Mais on peut aussi dépasser cette peur et l'accueillir, le comprendre, l'écouter. Changer sa manière d'être, et ce film dit beaucoup ça en fait. C'est l'une des surprises de cette année pour, je trouve, le coup de cœur critique en tout cas. J'ai l'impression que non seulement dans le monde de l'animation, mais hors du monde de l'animation, c'est assez. Enfin voilà quoi, c'est une évidence totale. Et alors vous ne le voyez pas, c'est ça que Pascal m'a dit. Francis Gabel, c'est un peu comme, vous savez, ce maître russe qui sont dans un coin, qui ne regardent pas trop, puis qui font et qui disent oui, non, etc. Et de temps à autre viennent vers nous au micro. Et là, on les entend, Francis. Non, mais moi, je suis. J'ai envie de dire que sur. Pas que sur le front de l'animation, sur le front du cinéma cette année, ça fait partie effectivement de mes 10 coups de cœur, et c'est peut-être le film d'animation le plus important pour moi cette année. Alors, il y a deux choses qui sont amusantes. C'est que je trouve qu'il réussit une prouesse absolument incroyable, Jean-François Leguillonni, c'est de faire un film d'aventure sans péripéties. Ça, c'est une merveille absolue. Bravo. Bravo Monsieur Laguioni. Et en même temps, je l'ai vu donc une première fois à Annecy, je l'ai revu en projection de presse, et entre les deux, suite à une discussion avec un ami, j'avais enfin lu Discours sur la servitude volontaire de la Boétie, et je trouve que le film en est une magnifique, non pas illustration, ce serait réducteur, mais un magnifique prolongement. Voilà, ça, en même temps, c'est aussi un grand film politique. Donc ça sera une des surprises des Césars, les Césars qui vont être quelque chose d'énorme cette année. Et je voudrais juste dire, je sais, je le comprends, et je comprends les auteurs, les autrices, je comprends les producteurs et les productrices, j'en ai un petit peu marre aujourd'hui de l'importance qu'on donne notamment aux Oscars. Alors j'ai pas de chance, hein, les réseaux sociaux font que des fois vous avez 15 personnes en amis, et que les 15 personnes sont des gens qui sont dans le même métier que vous, et donc forcément, mais c'est vrai que ça d'un seul coup, ce jeu, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire aujourd'hui quand même, la course aux Oscars, c'est beaucoup d'argent, les gens qui réussissent, c'est des gens que j'aime beaucoup, donc j'aime même pas le film de l'ONF. Et oui, Marie-Pauline, je suis d'accord avec toi, le film de Théodore Richef mérite d'y être. Mais comme dit Olivier Catrin, c'est rigolo quand même d'avoir ce truc entre le physique de la tristesse de Théodore Richef et je sais plus, il y a deux, trois trucs absolument terribles et horribles qui sont. Et donc on se demande des fois comment le choix est fait entre. On se dit, putain, c'est bien qu'il y soit. Oh oui, mais c'est vrai que t'es avec ces cinq films-là. Et je sais plus, quelqu'un me disait aussi, on espère que j'ai perdu mon corps, sera au César. Et à la fois, vu les films qui sont des fois nominés au César, si j'ai perdu mon corps, n'y est pas, c'est pas très grave qu'il y soit pas. Donc voilà, donc c'est toujours un peu cet espace problématique. Et encore une fois, c'est une chose, mais là, c'est la course. C'est vrai que c'est quand même la course aux plus riches, on va pas mentir. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup l'ONF et tout, mais ils peuvent permettre d'avoir des auteurs qui vont. Regina Pessoa n'était pas venue de Raffontevraud, puisqu'elle était à ce moment-là dans les studios américains. Donc, ils ont été là-bas. Et c'était Benoît Berthier qui s'occupe de ces films et qui en a quand même 5 sur 10 qui se retrouvent dans la liste finale, dont. Je suis désolé, mais le catastrophique, oui, je veux bien croire que c'est rigolo, mais hors piste, qui est quand même une catastrophe. Je suis désolé, hein. Ils ont du talent, les petits jeunes, et je dis pas, mais en tout cas, moi, c'est vraiment le genre de cinéma qui m'intéresse pas. Il n'y a pas que celui-là qui est une catastrophe. Oui, je sais, non, mais c'est parce que là, c'était un vrai. Donc voilà, donc juste, c'est vrai que d'un seul coup, pour moi, on en fait un peu trop sur tout ça, et je comprends aussi évidemment l'importance de se dire, pour les films, Sébastien Odenbach disait à quel point La jeune fille sans main au César avait été important. Florentine Grelier dit à quel point le prix. André Martin. Merci, j'ai failli dire tout sauf ça. André Martin était important dans son film. Donc, je comprends, mais c'est vrai que c'est, je pense, moi, cette espèce cette espèce d'enjeu qui, à un moment donné, qui, moi, avait cumulé avec Le Garçon et le Monde, film superbe, qui raconte ce monde, et Francis en parlerait largement mieux que moi, en tout cas, le monde dans lequel on vit, et cette espèce encore d'esclavagisme moderne sur le travail et tout ça. Et être obligé de faire un crowdfunding, un financement participatif pour payer leur participation aux Oscars, parce que de toute façon, Jay Kids avait dit, vous n'avez pas le choix, ça nous coûte tant, donc il faut que vous payiez la moitié, et nous l'autre moitié, pour que vous participiez aux Oscars, et que ça devient un peu fou, parce que finalement, voilà, toujours la même chose. Pascal ? Oui, je suis pareil, on se dit, les Oscars et César, dans l'absolu, on s'en fout, mais en même temps, quand un film d'animation est nommé, surtout un film d'auteur aux Oscars, il n'a quasiment aucune chance de gagner. Pour moi, il y a deux auteurs qui ont eu l'Oscar du long métrage d'animation, c'est Miyazaki et Nick Park. Les Park autres. L'avait eu pour voilà, c'est Gromit, il l'avait eu pour le long métrage. Le Lapin-Garou. Oui, c'est ça, ouais. Oui, voilà, c'est Gromit. Mais sinon, c'est quand même des grosses boîtes, c'est quand même les Disney, Pixar et compagnie. Donc, de temps en temps, quand il y a des nommés, je pense que ça donne une visibilité, ça aide pour le futur. Genre Tom Moore, ça donne un coup de projecteur qui est plutôt intéressant. Ou alors Le Garçon et le Monde. Enfin, c'est une chance absolue qu'il soit nommé. Ou Takahata. Enfin. Sauf que moi, c'est l'obligation. Pardon, mais il y a Jay Kitts derrière. Le Garçon et le Monde, c'est pas juste parce qu'il est indépendant. C'est pas juste. Si J'ai perdu mon corps, se retrouve. On va voir parce que les Golden Globes, donc il y est pas dedans, etc. S'il se retrouve, c'est parce que c'est Netflix. C'est parce que d'un seul coup, il y a quelqu'un. Et encore une fois, on aura la chance, et j'espère, Jérémy Clapin, normalement, devrait venir en mai ici pour faire, un an après, le passage à Cannes, faire le bilan de J'ai perdu mon corps et de cette histoire de J'ai perdu mon corps. Donc on verra bien voilà ce qui peut venir. Mais il a fait cette tournée aux États-Unis et il l'a fait aussi parce qu'il y avait Netflix derrière. Et je suis pas sûr que s'il y avait eu que Xilam en France, il aurait pu faire cette tournée qu'il a pu faire dans tous les studios. Peut-être qu'il l'aurait fait, mais ça veut dire un investissement. Et puis je suis désolé, se retrouver... Quand les annonces sont faites, être obligé d'être devant la caméra, la webcam, pour qu'on se rende compte, parce qu'il faut faire ça. C'est-à-dire, si vous êtes nominé dans les 10, il faut que vous soyez devant la webcam au moment de l'annonce des nominations, pour voir si vous pleurez, si vous êtes content, si vous êtes comme ça. C'est-à-dire que cette espèce de show qu'on met derrière ces nominations, moi je comprends qu'on fasse ça, mais c'est le show qu'on met derrière qui est un petit peu agaçant, je trouve. Et encore une fois, l'argent aussi énorme qui est dépensé uniquement comme. Quelqu'un veut partir sur autre chose ? Non, moi je veux bien enchaîner juste en disant que Physique de la tristesse est un de mes coups de cœur de l'année. C'est un très beau film et si vous avez envie de vous prendre une petite demi-heure de mélancolie pure, c'est le film idéal, je pense. Ok. Quelqu'un d'autre ? Alors bon, bah j'y vais. C'est comme ça. Non, Pascal, au contraire. Dans les coups de cœur de 2019, c'est un court-métrage que j'ai vu deux fois, que j'ai envie de revoir encore. C'est Dolls West, le nouveau court-métrage des Frères Quay. S'adapte d'une nouvelle d'un auteur uruguayen dont j'ai noté le nom, mais je vais le retrouver. qui passe le 10 février, pour ceux qui veulent, donc à la nouvelle. On peut en parler à la revue Blanc Blanc. Non, Blanc Blanc. Bing Blanc. Vas-y Pascal. Alors, merci. Donc un auteur qui s'appelle Félix Berto Hernandez et bon, la nouvelle est plus narrative, j'imagine, j'ai pas lu, mais il y a une histoire très claire avec un homme qui s'amuse à habiller et déguiser une poupée géante jusqu'à plonger dans la folie et délaisser son épouse. Bon. Et heureusement le film des frères Coen est beaucoup plus mystérieux, abstrait et on voilà, il y a une esthétique qui est assez magique, il y a un travail de en tissu essentiellement, marionnette, enfin je ne maîtrise pas bien la technique, mais voilà, je vois un quart d'heure, 20 minutes de ce film et je me dis, voilà, c'est une vraie belle œuvre de cinéma, étrangement produite par Christopher Nolan, bon. Grand fan, il avait même fait un documentaire avant et sur les frères Coen, en effet, grand fan des frères Coen. Ce film m'a enchanté, j'ai envie de le revoir pour encore... pas forcément le comprendre, mais juste me laisser emporter par ces images et par cette énergie, ce style. Et ils sont quand même relativement rares, ces réalisateurs. Ils ne tournent pas tant que ça. Et tu connais mieux Nicolas, mais... Foncez voir, hein, les ED Distribution qui fait un boulot énorme. Arsorti et Institut Benjamenta, en ce moment sur les écrans. Allez-y, les frères Coen sont sûrement parmi les meilleurs réalisateurs. Les plus chiants, les plus bizarres, les plus tout ce qu'on veut, mais les meilleurs réalisateurs qu'on peut avoir. Allez voir à cette séance du 10 février qui sera un peu exceptionnelle, puisque il y aura Physique de la Tristesse de Théodore Richef, la présence de Théodore Richef sera là. Il y aura Michael Ludovic qui sera là, puisqu'il a écrit pour le magazine. Et il y aura aussi donc Michel Bokanowski qui a fait la musique du film des frères Coen. Donc voilà, et surtout le film des frères Coen, il refuse que le film passe autrement qu'en 35 mm, ce qui fait que par exemple, il passera pas à Annecy, même si déjà ça aurait été difficile, mais il passera pas à Annecy, puisqu'Annecy peut pas passer de 35 mm, c'est foutu, donc voilà. Donc il y a plein d'endroits, donc c'est un peu exceptionnel. Le film reviendra à Rotterdam, il va passer à ce moment-là. Voilà. Non, je te le dirai après. Moment de bizarrerie à Bulle de Rêve, où j'ai failli dire quelque chose de en fait personnel à quelqu'un, et je me suis dit, rappelle-toi, t'es quand même. De Xichen et Swan. Avec malheureusement donc Swan qui est décédé maintenant, il continue, mais Xichen, grand réalisateur. Mais là aussi, on a encore un film avec un dispositif millimétré qui est vraiment fabuleux, et avec d'autres films qui avaient été diffusés notamment Off Limit à Annecy et qui étaient vraiment vraiment impressionnants, donc Leaking Life par exemple de Shunsaku Hayashi. En compétition à Zagreb, ce qui nous montre la difficulté aujourd'hui d'Annecy par rapport à Zagreb, c'est que Zagreb peut mettre un film comme ça en compétition officielle et qu'Annecy le met dans cette compétition. Bizarre. Et puis, autre coup de cœur énorme pour moi, c'était, je sais que c'était aussi un peu le cas de Marie-Pauline, The Juggler de Skirmanta Jakaïté. Elle fait des grands oui dans le couloir parce qu'ils sont un peu... voilà. Qui était donc un film, on va dire... plus ou moins disnarratif quand même, mais vraiment d'une très forte poésie et qui avait un jeu justement sur justement les relations entre l'écrit aussi, l'oral, le fait de passer d'un endroit à l'autre, les passages d'un monde à l'autre, les métamorphoses, les transformations qui étaient assez ébouriffants, assez étourdissants et qui étaient vraiment vraiment aussi assez impressionnants. Ouais, moi je fais fondre rapidement Francis Gavel en disant que l'un de mes films préférés de cette année, c'était Nuit chez Rilia Bertels. Voilà, il a fondu comme ça au moins. Je sais qu'on est, je suis pas le seul. Donc voilà, mais je dis, j'espère que ce film, le nouveau film de Rilia Bertels là, est fini. On va bien voir. Voilà, notre invitée Cécile. Bonjour Cécile, vient de faire un cœur. Donc voilà, en effet, je pense qu'on est derrière Rilia Bertels. Moi, je voulais juste dire que j'étais content aussi et j'ai fait un truc juste. Arrêtez de râler, parce que là je viens de dire « Ah, mais quand est-ce que les films sont... Non, on ne sait pas voir les films. » Moi j'ai des étudiants et étudiantes qui me font « On ne peut pas voir du court-métrage, c'est vraiment dur. On voit que des merdes. » Eh, vous arrêtez un tout petit peu. Il y a plusieurs sites, on fait un boulot... Voilà, il y a beaucoup de diversité. Les producteurs et productrices font de plus en plus d'efforts pour mettre leurs films en ligne assez rapidement, alors qu'ils pourraient aussi les garder. Sincèrement, cette année notamment, par exemple, sont arrivés sur les écrans, les petits écrans, Full-Time Job de Gilles Cuvelier. J'en ai souvent parlé ici, c'est vrai que c'est l'un de mes coups de cœur. Comme je le disais, je pense que Gilles Cuvelier a pris un certain niveau réalisation, réfléchi les choses de manière différente. Et Les Poupées ne pleurent pas, de Frédéric Tremblay, film sublime, d'une vingtaine de minutes en marionnette, un truc complètement fou. Et tout ça, c'est en ligne, et je vous parle que de ces deux coups de cœur-là, mais Dieu sait s'il y en a, chaque semaine. Qu'est-ce que je raconte chaque jour, moi, Marie-Pauline? Je veux dire merci Arte aussi. Hein, parce et merci que Arte, grâce tout à fait. Circuit, on a même des choses très récentes. Par exemple, un autre film que j'aime beaucoup, moi, dont je voulais parler vite fait, qui est Mouton Loup et Tasse de thé, qui était en ligne très très vite après avoir gagné le prix. Donc c'est quand même une chance. Et le film reste en ligne pendant au moins un an. Enfin, c'est assez long. Et d'ailleurs, La physique de la tristesse, à un moment donné aussi arrivera, production Arte, c'est quand même assez incroyable. Alors juste, en effet, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est balancer votre télé, de toute façon ça sert à rien, on le sait bien, vous achetez un vidéoprojecteur, et ensuite vous passez ça sur votre projecteur, vous allez voir, c'est extraordinaire, et on n'a pas besoin de télé, de toute façon, on le sait bien. Allez, moi un dernier film, et puis après vous pourrez, puis après on pourra avoir des choses, je dirais des petites choses qui moi m'ont touché cette année, mais qui sont très personnelles. Je voudrais juste dire, je voulais dire trois films, mais parce que c'est... Alors deux personnes que je connais, que j'ai eu en étudiant, j'avoue que je suis ravi du parcours qu'est en train de faire Bastien Duprier. Son dernier film Sous la canopée a eu le prix de la mise en scène au PIAF, et je pense que c'est quelqu'un qui est en train de créer petit à petit une vraie œuvre autour de l'abstraction, mais tout en réfléchissant sur évidemment la narration, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, et donc voilà, donc je trouve que c'est un film qui est assez extraordinaire pour ça. Allez, parce que vraiment j'aime beaucoup ce film, même si je sais que beaucoup de gens préfèrent l'autre film de Gaïa Mendilevski, mais Lèvres brûlent, qui est un film que je trouve assez bouleversant de la il raconte des choses et qui complètement, vous savez, quand vous connaissez un auteur, une autrice, quand c'est complètement la personne et vous ressentez la personne derrière le film, je trouve ça assez extraordinaire. Et s'il vous plaît, allez voir le plus beau film, l'un des plus beaux films de cette année, d'une des meilleures écoles en France et en Europe et dans le monde. Et je dis pas ça parce qu'il y a deux personnes qui sont, mais je le pense très sincèrement. Et ce que j'aime bien, c'est que ils sont, des fois c'est n'importe quoi, des fois c'est génial et des fois ce truc. Regardez Bienvenue dans le monde des géants d'Émilie Merighetti, qui est un film que je trouve absolument bouleversant, qui raconte l'histoire d'une dernière lettre d'une maman à son fils. On sait pas, visiblement c'est sûrement un suicide, mais elle le dit pas de manière directe, mais c'est un dernier où elle dit oui je sais, en gros ce monde est absolument difficile, c'est absolument voilà, mais des fois on peut shipper des petites choses qui font le bonheur, et on verra avec sûrement l'un des plus beaux films de l'année dernière, que c'est un petit peu le thème aussi du film d'Anka Damian, donc Marona, et c'est cette idée-là que je trouve absolument extraordinaire. Bienvenue dans le monde des géants, pour l'instant il n'est pas en ligne, je crois pas, mais regardez peut-être sur le site de l'ENSA, des fois ils mettent, mais vraiment faut voir ce film que je trouve, et en plus visuellement absolument, mais bouleversant aussi au niveau visuel. Est-ce que quelqu'un a encore des films dont on n'aurait pas parlé? Ouais, Juliette. Moi, je voudrais bien rebondir sur ce que tu disais sur l'extraordinaire voyage de Marona, parce que en réfléchissant aux films qui m'ont moins marqué cette année, je pensais déjà à L'heure de l'ours, évidemment, à Marona, mais bon aussi au film de Clapin. Et en fait, ce qui m'a frappé aussi, c'est les compositeurs, quoi. Enfin, je trouve que cette année, la musique des films était vraiment fabuleuse, de ces films-là en particulier. Et je voudrais parler à vos millions d'auditeurs de Pierre-Robert Kampf, de Dan Levy, je parlais de quel film aussi, de Pablo Picot, sur Marona. Enfin, au début, il faut savoir qu'Anka Damian, elle voulait pas de bruitage du tout, elle voulait que de la musique en continu. Et donc, il a vraiment créé un espèce de thème comme ça, par partie, par personnage, un espèce de Pierre et le Loup comme ça... de cinéma, et je trouve que cette musique est vraiment fabuleuse, et voilà, je trouve que c'est important que ce soit souligné. Alors tout à fait, merci Pierre-Hubert Kampf, était là lors de la dernière émission ici. Pablo Picot, malheureusement, je l'ai invité, mais ne sera pas là le 11 janvier, au moment où Anka Damian sera là, il ne pouvait pas venir, mais en effet, on écoutera à ce moment-là, et je sais que Francis avait déjà passé cet été, si je ne dis pas de bêtises, de longs moments de cette musique, donc tout à fait, merci beaucoup. Et le dernier, en effet, Dan Levy, je pense qu'on aura un peu plus de mal à le faire venir, mais on essaiera quand même avec Jérémy, s'il veut le faire venir, quand on fera cette émission sur « J'ai perdu mon corps », on fera ça. Ce que je vous propose, comme ça on va passer, avant de faire une pause, moi je vais vous dire des petites choses qui sont super personnelles, mais que je pense importantes. Je vais vous les dire de cette manière, comme je les ai mis. Mes coups de gueule, mais on en reparlera après, je pense, les écoles qui commencent à faire de plus en plus n'importe quoi. J'en ai parlé dans mon intro, les Gobelins qui passent en 5 ans, qui suppriment le concours d'entrée. Mais maintenant c'est un Tumblr qu'il faut faire. Faut arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde, et faut arrêter un petit peu de faire n'importe quoi. On est aussi un art, on n'est pas, encore une fois, que n'importe quoi. Donc ça c'est important. Le discours de Luc Grosjean qu'a fait Animateca, qui enfin pointe des choses absolument fondamentales, et notamment des gens dont on a déjà parlé autour de ce micro, qu'il va falloir finir par dénoncer. J'espère que ça va se faire, pour montrer que oui, le monde de l'animation, il y a aussi des enfoirés, bien évidemment, comme dans d'autres mondes. Beaucoup de gens s'étaient étonnés à une époque, bien sûr que si. Donc bravo à Luc Grosjean d'avoir fait ça. De manière très personnelle, parce que je trouvais son discours absolument incroyable, la conférence au Forum des Images de Ryuri Kaza, qui a montré comment on pouvait écrire aussi autrement, comment on pouvait être dans un monde de mots de chiffres, enfin, etc. La voix de Denis Lavant, qui va être superbe sur Émergence, il nous en a fait écouter un petit peu, et visuellement, c'est juste incroyable, et j'ai adoré comment... Il s'exprimait finalement pas si mal que ça en français, mais il n'y arrivait pas. Alors que ça, c'est complètement personnel. Monsieur Nakami, qui au 3A a montré des images d'il y a 20 ans du festival d'Annecy, qui m'ont pas rajeuni, mais bon, c'est comme ça. Le regard d'Agnès Patron sur scène quand elle a eu le prix d'interprétation au Piaf pour L'Heure de l'Ours et qu'elle m'a regardé en disant « Pourquoi tu me l'as pas dit ?» Mais que c'était tellement beau parce qu'elle était à la fois super touchée d'avoir le prix d'interprétation comme Bastien qui a le prix de mise en scène pour un film abstrait, etc. qui montre en effet qu'on n'a pas besoin de meilleur dans un festival, mais qu'on a besoin surtout aujourd'hui de nommer les choses et dire la réalisation qu'on a aimée c'est ça, l'interprétation qu'on a aimée c'est ça, pour peut-être éviter d'avoir ce qu'on disait des... chose à la Zabou, comme on disait au tout début. La rencontre avec Jonathan Hudson à Fontevraud. J'adore les gens comme ça qui sont tellement généreux. On en a quelques-uns en animation, mais c'est un tel bonheur, cette générosité que peuvent avoir des gens, et c'était assez extraordinaire. Et pour finir, avant de prendre une petite pause qui est due à un duo ce soir, la prochaine pause, je voulais juste te dire que je trouvais extraordinaire que des auteurs continuaient à creuser leur sillon dans leur technique, dans leur format, dans leur genre. Et le dernier film de Pierre Hébert qui s'appelle « Mais un oiseau ne chantait pas » et je trouve bouleversant parce que je trouve que c'est un homme qui, toute sa vie, a cru que c'était un grand fan de McLaren et qui aujourd'hui découvre qu'en fait son... Alors je suis désolé pour les gens, pas l'animation, mais il découvre qu'en fait c'est peut-être Len Lai qui l'a réellement bouleversé pendant tout le reste de sa vie. On en a parlé un tout petit peu et je trouve ça très très beau parce qu'on peut toujours aimer, il aime toujours McLaren, mais je trouve que là avec « Mais un oiseau ne chantait pas », il fait presque son, pas Free Radicals, mais quasiment, et quand on connaît l'intelligence et la force de Free Radicals, c'est vraiment bien. Petit au passage, je viens de découvrir qu'un catalogue de 3, parce qu'il y a à Bâle, en Suisse, il y a une exposition sur Len Lai, et il y a 3 catalogues qui sont sortis avec 3 livres visiblement sublimes de Len Lai, dessinés par Len Lai, avec plein de photos, plein de choses comme ça, etc. 58€ en plus pour les 3, donc c'est pas très cher. J'ai aucun bénéfice, rassurez-vous par rapport à ça. Allez, est-ce que quelqu'un veut, l'un de vous deux, Marie-Pauline ou Pascal, ou est-ce qu'on enchaîne directement et vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi Marie-Pauline ? On envoie la musique. On envoie. Et ben donc on envoie. Allez, l'une des plus belles voix qu'on a entendues, c'est parti. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed. While the limousines wait in the street. Those were the reasons. That was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love. For the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away. Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men. But for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Donc on vient d'écouter Chelsea Hotel de Leonard Cohen. Comme disait Alexis, effectivement une des plus belles voix. Moi c'est un de mes chanteurs préférés. Et la raison pour laquelle on l'écoute ce soir, je vais laisser Pascal le dire, je lui ai fait découvrir la chanson il y a 2-3 jours et je crois qu'il a eu un coup de cœur. Oui, enfin, c'est... pourquoi on aime une chanson, c'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais c'est... Ben, déjà il y a le contexte, c'est l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme dans un hôtel. Et il s'est passé un petit truc, et... Ouais, pourquoi c'est... Après, je trouve que t'en parles bien, hein, de cette manière-là, il n'y a pas besoin des fois. Non, mais... en fait, c'est une chanson qu'on a... Tout à l'heure, nous avons passé un programme de plusieurs chansons de Leonard... Non, vas-y. C'est ta faute, il est complètement bouleversé, toi tu lui fais parler de Marie-Pauline. Oui, tu es bouleversé par la chanson. Donc c'est une chanson où Leonard Cohen raconte une histoire intime, une anecdote intime, et en fait il s'en est voulu toute sa vie d'avoir raconté avec qui avait eu lieu cette anecdote, en l'occurrence avec Janis Joplin. Et voilà, il a des propos très touchants où en fait il s'en est beaucoup voulu d'avoir fini par le dire, parce qu'il avait dit très peu de choses sur sa vie privée auparavant, et là je ne sais pas pourquoi, il l'avait raconté pas mal en concert, et après il avait arrêté d'en parler. Oui, du coup, c'est le poids d'un homme discret qui d'un coup se retrouve confronté à cet aveu qu'il n'aurait pas dû faire. Et surtout, dans les paroles des chansons, il va très loin. Enfin, il dit des choses très intimes. Il a fini par chanter les paroles, mais changer les paroles. Ouais, ça a été un poids. Enfin, ensuite. Eh ben non, mais c'est très beau. C'est très beau. Moi, c'est un mais. J'avoue, vous savez, il faisait des concerts que je suis pas sûr autour de la table, vous chérissez. Parce qu'il y a des moments donnés comme ça. Moi, j'ai vu Leonard Cohen à Montréal, évidemment. Donc, de le voir directement dans sa ville. Il y a toujours des choses qui sont. Et il y a 2-3 ans, j'étais à Montréal. Et donc, on avait été devant sa maison juste après sa mort et manger dans son pub préféré, dans l'endroit où il mangeait tout le temps, etc. Avec des amis qui sont montréalais. Donc, c'est vrai que c'est des petites histoires comme ça qui sont toujours des choses qu'on garde, comme on parlait un peu avec nous. Pascal, ouais. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y avait encore, est-ce qu'on clôture 2019? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore dire ou est-ce qu'on passe à, parce qu'il est déjà 15, est-ce qu'il y a des choses comme moi que vous voulez dire rapidement 2019? Ah, j'ai blablabla, et qu'on passe à autre chose ou est-ce qu'on passe à qu'est-ce que va être l'avenir de l'animation? Allez, Marie-Pauline, je sens que t'as encore. Non, c'est bon. Non, moi j'avais envie de dire tournons-nous vers l'avenir, parce que là l'année est presque finie, elle n'a pas été si merveilleuse que ça, hormis en animation évidemment. Donc tournons-nous vers l'avenir et réfléchissons à ce qui va se passer après. Très bien. Moi je propose, mais peut-être que, je ne sais pas si elle veut commencer dès maintenant, parce qu'en fait, Cécile, t'étais normale, on avait annoncé pas, mais en fait, on s'est déjà posé la question. Alors je ne sais pas si c'est de quoi dont tu voulais parler, mais on s'est déjà posé la question de les beaux-arts avec l'animation, le fait que d'un seul coup, peut-être, et c'est... Salomé, je voulais t'appeler Solène, pardon. Salomé qui disait ça, qui disait ce qui serait peut-être bien, c'est que l'animation se tourne un peu plus vers d'autres arts, notamment voilà, l'art contemporain, etc., pour s'ouvrir à autre chose. Et je lui disais que t'allais être là, donc ouais. Galerie Miu, que tu as mis en place, donc cette idée de présenter ces images par image, on va dire, mais cette fois-ci dans un cadre et sous la forme d'une exposition. Est-ce que tu veux prendre la parole pour en parler un peu? Oui, avec plaisir. Bah déjà, bonjour tout le monde. Je suis hyper contente de revenir à Bulle de rêve. Après, c'est sur un sujet un peu intimidant, donc j'espère qu'on va tous en discuter ensemble. Mais oui, c'est vrai que ça me fait hyper plaisir, en fait, de venir parler de ce rapport-là, animation et beaux-arts, sous la bannière du futur et de la prospective et tout ça. Parce que je pense que c'est vraiment ça, en fait. Quand vous avez commencé à me parler de l'idée de qu'est-ce que ce sera l'animation du futur, etc. Ça, je sais pas du tout, mais en tout cas, souvent, c'est vrai que quand je regarde certains artistes travailler, en fait, j'ai l'impression que c'est déjà là, enfin, qu'ils sont déjà en train de faire ce qui nous fait un peu vibrer et ce qu'on a envie que ça devienne. Et notamment, enfin, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais ce qui se passe ces dernières années, mais mois presque, j'ai envie de dire, c'est le fait que l'animation sort de la salle de cinéma. de manière de plus en plus rapprochée, comme ça, vive. Et pour aller dans des lieux qui sont quand même beaucoup des lieux d'art contemporain, en fait, ou labellisés art dans l'espace public, etc. Et en fait, ça, c'est assez merveilleux, parce qu'on se rend compte que, finalement, ces auteurs qui sont des cinéastes ont besoin d'autres espaces pour exprimer des formes de création qui n'ont pas leur place dans les cadres spécifiques de la salle de cinéma, de la production audiovisuelle, cinématographique, etc. Et que cet espace de liberté, c'est étonnant, mais c'est finalement l'art contemporain qui leur permet, qui leur offre cet espace-là. Donc, je sais pas, là, cette année qui a été assez étonnante à cet égard, on a vu Virgin Keaton sur Times Square présenter une version dans la rue de Je criais contre la vie ou pour elle. Là, elle a une installation à Pompidou-Metz. D'ailleurs, on va bientôt faire une petite virée collective pour aller voir ça. Un fan plus près. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut citer? Tout récemment, une installation de Alice Sahé pour 5 écrans qui a été présentée au théâtre de Rotterdam, dans le hall du théâtre. Boris Labbé bientôt va proposer une installation pour le festival Vidéoform, donc le fameux festival d'art contemporain, art vidéo de Clermont-Ferrand. Quoi d'autre? Sébastien Lodenbach était à la Maison de la Poésie pour une performance. Virgin Keaton a été aussi à la Maison de la Poésie. On a vu de la pellicule grattée au Louvre. On a pu assister à une table ronde sur animation et art contemporain axée Chine à la dernière foire d'art contemporain China Art Fair à Paris. Enfin, voilà, je cite des lieux parce qu'en fait, ça a été des moments importants pour nous tous, je pense, parce que tout à coup, on allait voir de l'animation dans des nouveaux lieux, dans des institutions et des endroits qui proposaient du coup des formes un peu différentes, des autres que les films qu'on peut voir en festival, dans des programmes de court-métrage, des formes qui n'ont pas forcément leur place dans ces habitudes-là. Mais ce qui fait que ça jaillit forcément, je ne sais pas ce que tu en penses, sur finalement la création de ces gens-là aussi qui sortent, parce que finalement, peut-être que le cinéma de Virgin Keaton aussi se nourrit de ça, celui de Boris Labbé se nourrit de ça dans certains de ses films, et est-ce que c'est pas justement, un donnant-donnant, entre guillemets, le mot est pas beau, mais oui, c'est sûr, c'est ça. Ouais. C'est sûr, c'est des auteurs qui ont d'abord grandi dans le cinéma d'animation, et donc du coup les deux vont se nourrir. Simon Roubi, par exemple, son installation Pangea, qui est en ce moment la Cité des Arts de La Réunion, en fait, elle se veut comme étant une forme complémentaire au développement de son prochain long métrage. Et donc l'installation, elle va évoluer en fonction de l'écriture, de l'avancée du film. Salomé, tu voulais réagir? Justement, à ce propos, du coup, je me dis que, au lieu de simplement sortir de la salle de cinéma, ça va permettre de renouveler dans la création même, enfin, c'est ce que tu soulevais, mais dans les... C'est pas simplement le lieu de diffusion qui est différent, mais la manière de créer. Et ça, Anaïs l'a exploré un petit peu l'année dernière, je pense, mais dans cette idée de ne pas forcément être dans le dessin et de ne pas forcément être, ou même dans prise de vue, et du coup de se renouveler par ce biais-là. Anaïs, vas-y, tu peux nous parler. Donc toi, tu as même eu deux confrontations avec des musées, une avec le centre Pompidou, et en effet, l'année dernière, plutôt, ce que vous avez fait, donc, en partant avec l'ENSAD, avec le musée d'immigration. Effectivement, du coup, ça nous est sortir du cinéma d'avoir ce travail de commande, mais on restait toujours dans la projection, dans un espace où le spectateur est invité à observer une image où il... Enfin, il s'attend à voir une image animée. Et on parlait des galeries et du Louvre, par exemple, et de festivals de vidéos. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça serait peut-être de voir plus d'animation dans le spectacle vivant, parce que, en fait, au vu de tout ce qu'on dit là, je me rends compte que l'animation a quelque chose... de très calculé et de... En fait, peut-être que dans le spectacle vivant, dans la danse, dans le théâtre, il y a une spontanéité qu'on gagnerait à avoir et qui influencerait aussi sur la manière de travailler, sur les objets qu'on rendrait et qui pourrait justement enrichir encore plus ce travail en galerie dont on parle et qui reste, je trouve, très fidèle au cinéma qu'on voit en salle. Après, c'est plus le même écran. Il y avait un rencontre très intéressant avec Benoît Chieu lors du Carrefour de l'animation où je suis pas du tout d'accord avec lui, mais ça en était justement passionnant, enfin j'exagère, mais qui disait que, parce que moi j'ai jamais réfléchi à ça, qui disait qu'en effet beaucoup de gens dans l'animation, et ça je vais faire un truc qui est pas du tout radiophonique, mais voyaient plutôt évidemment leur création par rapport à la page. Hein, vous imaginez chez vous une page et qu'en fait avait du mal à même avec le hors-champ parce que le hors-champ fallait le créer, donc ou par son imaginaire ou le créer complètement, alors qu'évidemment si là je vous ai là, est-ce qu'on décide de prendre Francis Gavel qui est là à la porte ou est-ce qu'il va être hors-champ et on va l'entendre parler en disant oui je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord après tout, comment on va jouer par rapport à ça et que d'un seul coup on réfléchit pas de la même manière. Est-ce que Blue a amené notamment, est-ce que donc l'idée des graffeurs et des street artistes qui d'un seul coup travaillent, c'est travailler sur un mur, travailler non plus sur, finalement, travailler sur une espèce de côté illimité comme ça, et plus sur un cadre, qui reste un cadre, certes, mais qui est un autre cadre, on va dire, qui d'un seul coup, où on travaille différemment. Sébastien Leudenbach, qui en effet travaille en direct. Ouais. Avec, des fois ça marche ou ça marche pas, mais ce qu'il a fait pour Dominica, ce qu'il va refaire, parce que le 10 janvier à la Cinémathèque, c'est intéressant, c'est, et vous allez m'aider, son guitariste. Olivier Mélano. Olivier Mélano, merci, qui fera la deuxième partie. Donc il y aura un McLaren sur moi avec Olivier Mélano qui va faire sa propre musique sur McLaren, etc. Et c'est peut-être pas encore suffisant, mais c'est vrai que t'as raison, je pense qu'il y a là, il y a quelque chose qui est en train de dépasser les frontières. Il y a quelque chose qui est en train de mettre avec le vidging aussi. Ouais. Et je pense que c'est le début, justement, d'une appropriation de l'espace par l'animation, où on essaye de se dire que l'écran, en fait, on n'a pas besoin de le limiter, et qu'avec un projecteur, on peut projeter sur n'importe quoi. Et je pense que c'est là qu'il y a des trucs à explorer pour l'animation. Ce qu'avait juste fait, et je te laisse la parole, Richard Nègre aussi, qui était intéressant, puisque sur son film, il avait vendu, en fait, chacun de ses dessins en fait en galerie pendant que le film se faisait, pour aussi pouvoir faire le film et financer son film de cette manière-là. Ouais, Nicolas. Et puis au niveau de l'animation qui est, on va dire, hors les murs et qui sort dans la rue, il y a aussi tout le vidéomapping qui est en train d'être développé. Alors c'est pas uniquement de l'animation, mais en même temps il y a pas mal d'œuvres qui sont créées en animation pour être projetées sur des bâtiments avec donc des architectures particulières, des espaces particuliers et aussi des reliefs extrêmement particuliers aussi. Oui, je pensais au travail d'Emily Pigeard, oui. Oui, mais à part, parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'est bien, mais ça demande encore à être pris par des gens. Parce que même celui de Théodore Huchef, j'aime beaucoup Théodore Huchef, mais il est fait pour Lille. J'ai juste vu, j'étais pas à Lille, mais il y a une vidéo qui est sur Internet. Ça demande encore, j'ai l'impression, des vrais artistes, entre guillemets, de vidéomapping, et pas juste des animateurs, des animatrices. Il en avait fait aussi au Québec, à Montréal. Donc voilà, il en a fait pas, oui, il a mais pas fait que Lille. Sauf qu'il est pris pour son nom de star. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir des auteurs, pas des vrais, pardon, c'en est un, mais des auteurs et des autrices qui d'un seul coup sont de vidéomapping, réfléchissent, sauf que certains disent aujourd'hui, et on parlait Edith Gouveli, Thomas Machard, qu'on avait fait avec Train-Train en même temps que Théodore Huchef, et disait que le problème, c'est que souvent, les grands noms comme ça étaient que techniciens pour l'instant, et avaient encore un problème, pas artistique, mais en tout cas, vous voyez que le côté technique de la chose, on va faire ça comme ça, etc. Mais bon, ça c'était pour une petite parenthèse, donc c'est évident que ça va être important. Pascal, tu veux... Non, je pensais que tu voulais... Donc ouais, nouvelle ouverture, et puis moi j'ai envie de dire, ce qui serait peut-être bien, c'est que ça va nous faire aussi un nouveau public, en tout cas un public qui peut... On parlait du problème de regard des gens, et on parlait de Zabou, on parlait etc., qui disait, je reviens sur Zabou, mais on parlait sur, peut-être que ça va permettre que le regard des gens change aussi un peu par rapport à l'animation, en le prenant pour... Typiquement, pas, cette année, il y a eu quand même deux numéros spéciaux, un de Beaux-Arts Magazine, un de Art Press, qui cite des auteurs qu'on adore, Schwitz-Gebel, Boris Labbé, Florence Miaille. Donc, pour parler de nouveaux publics, eux commencent à s'intéresser de très près à ce qui se passe dans l'animation, et ça fait du bien. Bon, donc ça, c'est une des bonnes choses dans l'avenir, c'est bien. Bon, alors moi je vais dire deux trois trucs parce que ça c'est pas aussi intéressant que ce que vient de dire Cyril, donc c'est juste pour dire je pense que donc va falloir chercher son public, je viens de le dire à l'instant, je pense qu'on n'a pas de public en animation, on n'a surtout pas le public de l'animation qui n'y va pas. Ça c'est l'un de mes grands trucs désespérés, Yuri Kaza, il y avait quasiment personne et pourtant il y avait du bon monde. Sébastien Leudenbach était là, Odile Perrin qui est directrice pédagogique de LGPA, les producteurs au Gobelin étaient là, donc il y avait des gens complètement différents, et juste je vais le redire au micro, vous, étudiants, étudiantes de l'animation, moi je m'en fous, je suis pas papa, je suis pas maman, je suis rien, donc je dis pas ça pour ça, mais ce que vous faites, il va falloir qu'un jour les gens les regardent. Et si vous-même vous ne venez pas les voir, ou si d'autres personnes ne vont pas les voir, à un moment donné ça va s'arrêter. Donc je le redis à ce truc, c'est pas que vous, c'est d'un seul coup la famille, c'est les amis, c'est des gens qui sont pas dans l'animation. Enfin, créons un peu et recherchons un public que je trouve étonnant. C'est bien 200 000 spectateurs pour J'ai perdu mon corps, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre encore un petit peu plus. Et voilà, donc il faut qu'on trouve le public, ça va être un des grands problèmes qu'on va avoir par rapport à ça. Je pense que j'ai déjà suffisamment dans mon intro, mais je peux le redire encore, il va falloir qu'on se batte pour notre indépendance, contre la rentabilité, quelque chose qui va être très important et qu'il va falloir le comprendre. Faire des films, même de grands auteurs italiens, illustrateurs que j'adore, avec un grand auteur italien derrière, qui est super important et... Mais un film à 12 millions d'euros par rapport à ça, il va falloir que les producteurs et les productrices réfléchissent aussi et se disent, et je suis désolé, j'aime pas dire ce mot-là, mais ok, il faut qu'on se batte pour notre indépendance, mais est-ce qu'on fait pas des fois une folie de faire des films comme ça à 12 millions? Les ours à 12 millions, c'est complètement fou, quoi. Et le film, wow. Donc je vous ai dit, la lumière se rallume et tout, et là, c'est Prima Linea qui réagit. Faire un film à 12 millions, non, avec tout le respect que j'ai, et encore une fois, Lorenzo Mattotti, un de mes auteurs, illustrateurs préférés, donc il n'y a pas, mais c'est vrai que il va falloir qu'on comprenne aussi qu'il faut qu'on monte petit à petit et qu'on, encore une fois, qu'on aille chercher ce public. Et que bien évidemment, j'espère que dans... Parce que ça, il y a plein de gens qui me l'ont dit. Hein, Nicolas Schmerkin, l'auteur de Minium, le disait il y a quelques années. Quand je disais, on a besoin de faire des films moins chers. Il disait, ouais, tu veux qu'on fasse des films pas chers, c'est ça? Non, non, je veux qu'on fasse des films pas chers, des films très chers, des films, mais je veux qu'on ait une diversité. C'est un peu ce que tu disais, Marie-Pauline, par rapport au fait d'aller chercher les gens, les auteurs. On va faire de l'art essai, etc. Je pense qu'on en a besoin et on a besoin de retrouver ça aussi un tout petit peu. Et aussi, ça va nous permettre de faire des films plus adultes. Moi, les gens ont vu J'ai perdu mon camp, en disant, ouais, c'est bien, mais j'ai encore envie un peu plus. J'ai encore envie qu'on me raconte des choses encore plus proches de moi. Encore une fois, Louise en hiver, par exemple, ce genre de choses. Villeneuve. Donc voilà. Donc je pense qu'on a besoin de cette diversité-là et que ça va être des grands, grands enjeux et qui va aussi passer par ce que je vais appeler le hors-mouvement. Parce que juste, j'ai envie de dire un mot. Voilà, mais le hors-mouvement ou non-mouvement, c'est-à-dire ne plus réfléchir sur la fluidité du mouvement à la Klaus, justement, ou en tout cas, oh, t'as vu, c'est bien animé, mais juste, oh, t'as vu comme ça me bouleverse, t'as vu comme cet homme qui écrit ce film pour cette femme qu'il a aimé en Iran il y a 20 ans et qu'il a abandonné, ou en tout cas, qui est parti, c'est juste un film fabuleux, ouais, mais c'est du carton-pâte, oh, ouais, mais c'est quand même extraordinaire, le moment où on voit les choses, c'est juste sublime, on en a besoin, je vous rappelle quand même qu'il y a encore 2-3 ans, et c'est bien de râler contre les autres, mais les gens de l'anime aussi, il y a 2-3 ans à Annecy, ou même plus maintenant, quand Jasmine est passée, les salles finissaient quasiment vides avec des gens qui sortaient en disant oh c'est quand même mal animé, ça déconne, hein. Les gens pourraient faire un effort, donc faisons un effort aussi nous par rapport à ça, d'imaginer ça. Je vous propose, et comme ça après on va passer la parole à Juliette, comme ça elle le sait, c'est à elle après. Je vous propose, tu veux nous dire ce que c'est? Alors oui, donc ça, donc c'est Nicolas qui propose la prochaine. Alors donc moi ce que je à l'origine c'était pas forcément la chanson que je voulais. J'avoue quand même. J'ai donc, fait de la censure, tu peux le dire. J'ai été honteusement censuré par Alexis parce que je voulais passer une chanson qui était tout à fait d'actualité, qui était parfaite pour Radio Libertaire, qui s'appelle Manu dans le cul. Et qui durait malheureusement 7 minutes 20, alors que c'était quand même le minimum qu'on pouvait espérer qu'ils se prennent dans le cul. Sauf qu'on est d'accord. Et... Comment tu dis que j'ai censuré parce que, à cause de la durée, non pas à cause. Voilà. Merci. À cause de la durée. Donc finalement, pour compenser cette honteuse censure d'Alexis par rapport à la durée, je me suis dit que j'allais choisir une chanson un peu suédoise, kitsch, décalée, un peu pop, sirupeuse et un peu bizarre. Il n'y a pas vraiment de logique là-dedans, mais c'est pas très grave. Mais c'est très bien aussi. Ça, c'est bien, mais quand même. Allez, on écoute Nicolas. Donc la prochaine chanson s'appelle Blow My Brains Out. J'ai besoin de vous dire que vous êtes sur Radio Libertaire, oui bien sûr, Bulle de Rêve, et que les invités et bien sûr l'équipe est toujours très dissipée pendant les morceaux. On parle énormément, mais c'est bien, c'est ça qui est bien. Un jour mon truc c'est qu'on fera Nicolas, on fait semblant de passer à la musique, mais en fait on les écoute en fait parler, vous écoutez un peu ce qui pourrait être dit. Donc voilà, c'était la proposition de Nicolas, merci beaucoup. Puis c'était bien, c'était un peu plus énergique, donc voilà. Allez Juliette, allez. Est-ce que c'est toi qui te lances sur qu'est-ce que sera le futur de l'animation? Alors, qu'est-ce que ce sera? Tu toi. Je ne sais pas, mais puisqu'on a le droit de faire des souhaits, et c'est un peu dans la continuité de ce que tu disais, Anaïs, sur la question de la spontanéité quand vous faites des films, je pense que, alors moi, vu que je suis invitée en tant que personne qui travaille dans la production, je pense que c'est important de parler aussi des contraintes qu'on a et de souhaiter de manière un peu utopiste qu'on en ait un peu moins. Et je pense que ce qui fait que les films ne sont pas aussi spontanés qu'on le voudrait parfois, ou pas faits voilà, dans la continuité d'une idée qu'on a comme ça en quelques jours, ben c'est que les temps de financement sont incroyablement longs. Que quand on dépose et quand on attend des réponses, ça peut prendre... je parle de la contribution financière de CNC par exemple, où c'est 3 mois. On peut redéposer, ça prend encore 6 mois. Enfin, voilà, ça peut prendre un an et demi avant de financer un court métrage de 10 minutes, qui est parfois l'idée de quelqu'un, voilà, qu'il a eu, en se réveillant en sursaut dans la nuit. Donc c'est un peu triste. Et il y a une autre contrainte, moi, que je trouve un peu pesante. C'est un peu la frustration concernant certains réalisateurs de pas pouvoir travailler avec absolument qui ils veulent, parce que comme le cinéma et le court métrage en particulier est financé via des régions, on est obligé de travailler avec des techniciens, des animateurs, des artistes issus de ces régions-là. Et en fait, parfois, on a envie d'une personne de Paris, une personne de PACA, une personne de la région Bretagne. Et en fait, on ne peut pas forcément faire ça. On est obligé de réunir des techniciens dans des pôles. Voilà, il y a Valence, c'est super, Valence. Mais du coup, on a des pôles comme ça et on peut pas forcément travailler avec qui on veut. Je trouve que parfois... Juste pour que t'expliques, c'est parce que les régions donnent de l'argent, mais il faut dépenser... Souvent, une fois et demie, deux fois, trois fois, ce qu'on vous donne. En général, c'est 160% ouais, de ce voilà, qu'on donne, hein, c'est qui doit être dépensé en région. Et bon, le court-métrage n'ayant pas de marché, donc quasiment pas de recettes une fois que le film sort, en fait, on se finance essentiellement là-dessus. Et c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement contraignant d'un point de vue artistique aussi, c'est ça que je voudrais dire. Quoi. Alors, deux choses qui sont absolument fondamentales dans ce qui vient dit, je pense. Après, vous pouvez réagir, bien sûr. C'est... Moi, je le vois en tout cas, je pense qu'en effet, il va y avoir une production à double niveau à un moment donné, celle où on prend 2 ans pour faire un film avec un dossier et on se bat par rapport à ça, et celle où on fait un film volontairement, mais en un mois et demi, en se disant juste, j'ai besoin de le faire, sans argent ou avec de l'argent propre. Une petite caisse pour avoir certains producteurs, productrices en disant, bah voilà, moi j'ai que ça, tout ce que je peux te proposer, ton film, on va pas le passer en dossier, moi j'ai ça, est-ce que tu veux ou pas? Non, je peux pas le faire. Bon, d'accord, etc. Je dis ça c'est parce que de plus en plus, moi qui suis donc au comité de lecture, maintenant j'essaye de moins en moins de faire ce qu'on appelle PSR, donc peut se représenter, parce que je trouve que souvent c'est un peu une arnaque. Souvent on dit peut se représenter, la personne se représente. Et sincèrement, j'aimerais qu'on fasse des bilans, mais je pense que 80% du temps en anime, hein, je te parle Marie-Pauline, en anime, 80% du temps, parce que nous le problème qu'on a, qui est beaucoup un problème aussi esthétique, des fois technique, etc., et que on a ce problème, et on en reviendra pas aujourd'hui parce que ça serait trop long et il faudrait qu'on fasse de dossiers écrits. Et on sait bien que les gens de l'animation souvent ont du mal à écrire avec des mots, ils écrivent avec des images, c'est ça qui est extraordinaire, mais on a encore du mal. Moi, j'ai un producteur dans mon comité de l'animation qui ne regarde pas les animatiques quand il y en a une. Je connais. On le connaît tous. Enfin, beaucoup. Je dirais pas son nom. Mais non mais c'est intéressant, c'est comme le réalisateur. Non mais donc c'est vrai que c'est une vraie complexité de ça, et c'est vrai d'un seul coup de se dire ne représentez pas. Ça arrive deux fois, hein, de temps en autre, on continue à dire peut se représenter, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir être un peu plus dur de temps en autre pour qu'ils perdent pas des fois, je pense, hein, ce que tu disais, les auteurs, les autrices, un peu leur énergie qu'ils ont. Ah, je pense qu'Anaïs, tu voulais. Voilà. Je sais pas si quelqu'un. Non, après, il y a des auteurs d'animation qui écrivent extrêmement bien, par ailleurs, quand même. Ah, mais. Non, mais je veux dire avec des mots aussi. Ça. Bien évidemment, non, mais on va pas. On peut pas. L'idée n'est pas d'un seul coup de faire d'un extrême ou de l'autre, c'est juste dire que quand on regarde, on en a beaucoup parlé, on a commencé avec Antoine justement à en parler avec Laure de l'Ours, c'est de se dire que, enfin voilà, ces images sont quand même, tu vois, passent en premier. Donc il y a ça. Et puis après, sur le financement, et bon, alors je suis un peu d'accord avec toi sur les PSR, je pense que, honnêtement, bon, c'est quand même bien de pouvoir se représenter, et je pense qu'en plus, il y a des gens qui finissent par l'avoir, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'ils perdent, les auteurs et les producteurs aussi perdent leur énergie, leur temps aussi. Après, je pense que la complexité du financement, elle est là aussi. Parce que ça rend aussi cette industrie, cette économie pérenne. Et c'est aussi bien que les gens soient payés pour les films qu'ils font, évidemment. Et ça permet ça, donc c'est quand même bien. Voilà, Sangler, je trouvais ça intéressant. C'était, on aime ce qu'il fait ou pas ce qu'il fait, mais Didier Brunner racontait une fois dans un festival, il disait, moi, un auteur, une autrice vient me voir avec un projet. On dit, ça va te coûter tant. Et si on n'arrive pas à avoir l'argent, je vais retourner voir. Voilà, on ne peut pas faire le projet parce qu'on a tant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide? On ne peut pas le régler, c'est plus le même projet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide d'avoir moins de personnes avec nous? Est-ce qu'on réfléchit sur l'animation qui va être différente, etc.? Parce qu'en effet, d'un seul coup, on réfléchit. Et que je sois en clair, par rapport au PSR, moi je pense que j'ai eu la chance de faire quelques tutorats, et je pense qu'il vaut mieux partir sur des tutorats de plus en plus, plutôt qu'une PSR avec des gens. Vous avez déjà eu des retours du CNC. Oui, on vous envoie tout. Ce qui fait que ça peut être, c'est super beau, et je t'accueille pas dire. Esthétiquement un peu banal. Et faut vous battre avec ça, alors que c'est vrai, quand on a un tutorat, d'un seul coup, on a quelqu'un qui va venir et qui va dire ça t'écoute pas, ça fonce là-dedans, etc. etc. Je pense qu'à ça, et puis je pense surtout, comme on disait, il y a tellement plus de production maintenant et de réal que d'un seul coup, Antoine, tu viens de faire un film, toi. Tiens, raconte ça, c'est intéressant, dans ce que vous venez de faire là, avec quelques amis récemment. C'est sur l'initiative de camarades réalisatrices, Camille Elmeras, Rosalie Loncin et Marie Mérigot, qui ont fait une projection, elle était invitée à une projection, et à la fin de la projection, il y a une discussion autour de ce qu'elles font maintenant, sur le fait qu'elles sont en train de faire des dossiers pour des films. En fait, elles ne sont pas en train de faire des films, elles sont en train de faire des dossiers pour des films. Et du coup, elles ont pris l'initiative de lancer un défi à tout leur cercle de connaissances dans l'anime, de faire un film en 45 jours, pas financé, pas juste on fait un film. Voilà, donc on vient de finir ça. On a fait une projection la semaine dernière, et voilà, c'était en fait pour tout le monde, ça a été un moment de grande libération, parce que d'un coup, le temps entre l'idée et l'existence du film, il est jamais aussi infiniment petit, quoi. Et voilà, c'était juste de se rassurer, en fait, même sur le fait que déjà c'est possible, je pense que ça rassure aussi sur l'idée que on n'en a pas forcément besoin pour tous les films d'être produits. Voilà. Juliette, ça pourrait t'intéresser, par exemple, en tant que, pour l'instant, t'es donc là, c'est avec qui filme. Je sais pas si qui filme, mais vous pourriez faire ça. Mais ça pourrait t'intéresser, par exemple, de lancer comme ça, de dire, écoutez, on a un peu d'argent, on va faire une espèce, pas une mini collection comme ça, qu'on va faire avec vous, et se dire ça avec, encore une fois, un minimum de budget, son dossier. On parle là-dessus. Oui, je pense que ça pourrait être une idée. Je crois que Sacrebleu l'avait fait. Ils avaient eu une idée comme ça de lancer une petite collection, d'allouer une espèce d'enveloppe. Très, très petite, mais voilà, quand même une enveloppe, à plein de films, et à permettre comme ça des expériences de films. Je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense que, en fait, l'intérêt aussi de faire un film financé, en y réfléchissant, c'est aussi de faire exister le film dans certains canaux, de lui donner aussi une reconnaissance publique qui soit aussi celle du milieu de l'animation. Mais déjà ça, faire financer un film, c'est pas simplement l'argent, c'est aussi effectivement le label qui est mis dessus par les régions, par le CNC, par tout un tas de professionnels. Et c'est ça qui est aussi important, parce qu'au bout d'un moment, faire les films seuls et tout ça, c'est super, mais en fait, il faut qu'ils soient vus aussi. Et voilà, c'est aussi ça l'enjeu, et c'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais, oui. Antoine. Et puis on parle quand même d'un certain type de film aussi, et je pense qu'il y a des films qui ont besoin aussi de temps, donc de financement. pour se faire, en fait. Pas que pour le financement, mais de temps pour maturer, pour les auteurs. Mais est-ce que c'est pas commentaire ce que fait, on parlait de Boris Labbé, quelque part un peu, alors lui, parce qu'il a ses deux réseaux qui lui permettent, mais faire un peu ça, c'est-à-dire prendre du temps avec Sacrebleu, faire des dossiers, prendre du temps là-dessus, et puis d'un seul coup, faire des films qui vont être plus... Eurogenesis, par exemple, qui va faire quasiment tout seul, sans argent, et que peut-être que c'est ça, je sais pas, peut-être que le futur de l'animation dans la production, ça peut être aussi ça, et que ces films-là, finalement, on se fait aussi un peu connaître. Eurogenesis, ça a pas mal tourné en festival, et c'est vrai que d'un seul coup, on a Boris Labbé qui s'occupe seul. Moi, je suis surpris, même les quatre derniers qu'il a fait pour le Japon, qui ont eu des commandes, c'est lui qui les envoie, et par contre, quand il est Sacrebleu, c'est Sacrebleu qui s'en occupe, etc. Et c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, c'est que les auteurs et les autrices se disent, finalement, on va les envoyer nous-mêmes. Toi, ton film, Au fond du jardin, tu l'envoies toute seule ? Ton film de... Oui, surtout qu'en tant qu'étudiante, j'ai à peu près les droits sur mon film. On va dire étudiante de l'ENSAD. Et que du coup, si je veux que ce film tourne, je suis obligée de le faire moi-même. Et ce que je trouvais intéressant par rapport à ce que tu disais, c'était que dans ce cas, quand on fait un film, peut-être qu'il va falloir penser à quel type de production on a envie, autant que, je sais pas, le graphisme, le son, et se dire que ça fait partie de l'existence du film et que... qu'il n'y a pas de production standard et qu'on va repenser le moyen de le produire à chaque fois et que ce soit adapté à chaque film. Ça, je pense que c'est intéressant, en effet, ce qui est dit par Anaïs, parce que c'est ce qui va nous changer, c'est ce qui nous modifie. C'est que je disais tout à l'heure, quand il y avait 10 producteurs qui avaient créé leur association avec Arnaud Demoin, qui allait au CNC, etc. C'est plus possible, évidemment, ça. Maintenant, en effet, il y a plein de productions, même de prises de vue continues. Hein, tu as parlé notamment, évidemment, des Valseurs qui se sont lancés avec le succès qu'on connaît, en plus, dans l'animation. Et c'est évident qu'il va y avoir une vraie réflexion, en tout cas, sur les productions, les canaux. Il y a de plus en plus de films stars. Donc en effet, quand on a Regina Pessoa, on sait qu'il est dans quasiment tout. Quand on a Acid Rain, c'est vrai que des films comme Franck Dion, qu'on cartonnait avant, ou Jérémy Clapin, etc. Il y a des noms qu'on commence à avoir. Et comme on disait, c'est ce que disait George Fussgebel, disait à une époque, c'était bien parce qu'on avait deux copies 35 mm, on les envoyait peu, et même les gens de l'agence du court-métrage disaient ça, apparemment c'était de la copie. Donc quand on nous demandait le Grand Prix de Clermont-Ferrand ou d'Annecy, on disait, non, il est loué, il y en a deux, il est loué, on va vous proposer autre chose. Aujourd'hui, c'est fini. On veut le Grand Prix d'Annecy, bien sûr, j'appuie sur un bouton, vous l'avez maintenant. Donc c'est vrai que ça va aussi changer. Ça sera, va être un gros travail pour nous aussi. Programmateur et programmatrice, hein, Marie-Pauline, pour essayer de changer ça. C'est ce que j'allais te dire, moi, c'est aussi au festival de faire cet effort-là. Je regarde beaucoup de sélections de festivals et je trouve que c'est un peu déprimant, des fois, de voir que c'est toujours les mêmes qui tournent. Alors, il y a des films qui sont très bons, mais c'est pas pour ça qu'on doit se sentir forcément obligé de les montrer aussi. Peut-être avoir la curiosité de montrer autre chose. Et une fois qu'un film comme Mémorable a le Grand Prix Annecy, et je parle de Mémorable, c'est cette année, voilà, il va se retrouver absolument dans tous les festivals et on va prendre. Et encore une fois, c'est même intéressant, Francis, c'est ce que disait Florentine Grelier. Pour une fois qu'elle a vu le prix, décidément, je vais pas y arriver, André Martin. finalement, le film, elle se retrouve à Sundance. Alors, c'est pas peut-être à cause de ça, mais en tout cas, il y a un effet prix. Ça, c'est évident. Alors, oui, il y a un effet prix. Alors, Sundance, je pense pas que ce soit à cause de ça, mais ce qui s'est passé dans un premier temps, juste après le prix André Martin, que d'un seul coup, un film qui est pas sélectionné à Annecy, a le prix André Martin, c'est la première fois que ça arrive depuis maintenant 5 ans d'existence du prix. D'un seul coup, les gens, les autres festivals vont voir le film, alors qu'avant, ils n'auraient pas été le voir. Et c'est aussi des choses comme ça qu'il va falloir aussi, dans les comportements peut-être un peu cassés, c'est qu'on doit pas, on doit prendre des risques, et de tout type. Et par exemple, vous parliez des financements, on sait très bien que si on a une CNC, on a une chance d'avoir une région, et puis on va peut-être avoir une chaîne, peut-être que tout l'argent ne doit pas aller là où il y a déjà de l'argent. Peut-être qu'il va falloir un peu écarter, qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir 300 000 euros pour faire le film, mais 100 000, et que dans chaque commission, on va devoir prendre des risques, et on va devoir dire, ils n'ont pas eu le CNC, ouais, mais c'est quand même vachement bien, donc allons-y. Et puis un autre truc, c'est, vous en parliez au tout début d'émission, alors là peut-être que c'est ma paroisse et que je fais exprès de prêcher pour ça, d'arrêter de dire, mais pourquoi on fait ce film en animation? Ça pourrait être de la prise de vue réelle, ou continue, ou ce que tu veux. Non, si demain j'ai envie de faire un film d'Olivia Sayas avec des gens qui parlent, sur des travelling latéraux, je veux le faire en animation, parce que j'ai envie comme ça qu'il y ait ce petit décalage avec la réalité. Qu'on n'a pas forcément en prise de vue continue, même s'il y a une recréation, un éclairage, mais il y a un petit décalage et que la réalité sera jamais tout à fait la même. Et l'animation n'apportera que ça, mais c'est énorme déjà. Mais en même temps, on sera sur un film, on parlait d'intimité, et on sera sur une veine intime. On a besoin aussi de films punk. Ami, on a besoin de plus de Peter Millard. Je sais que certains, et Hélène Nguyen, Ami, mais voilà, on n'est pas d'accord, ils pensent que c'est un je m'en foutiste total. Et ben, j'espère qu'on aura plein de je m'en foutiste comme ça par la suite, c'est-à-dire des gens qui nous font des trucs. Moi, j'aime autant toujours Peter Millard qui fait ses films... comme il est lui en plus, et que c'est vrai que si d'un seul coup j'imagine mal quelqu'un dire à Peter Millard tu vas faire un dossier, on va mettre 6 mois pour faire un dossier, faut que tu racontes que Peter Millard en gros le dernier c'est un cochon, et c'est des groins de cochon qui truc, et il dit j'étais végétarien puis un jour j'ai mangé du cochon, et en fait c'est que des groins de cochon en peinture lurée comme ça, qu'on croit, je pourrais même pas vous faire l'un de ses meilleurs films, s'arrête en plein milieu, il fait 7 minutes, et pendant, allez je crois 30 secondes, vous avez pendant 15 secondes, c'est un écran noir, sans rien. Là, je peux vous promettre, tout le monde panique. Moi, j'ai déjà montré en classe. C'est du style, il y a un problème, monsieur. Il y a un problème. J'ose à peine imaginer projectionniste en train de se dire ça, etc. Puis la musique, et c'est un fou furieux, mais dans le bon sens du terme, il fait. Ayons des films punk. C'est super important qu'on avance là-dessus. Ça tombe bien. Je disais quelque chose tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui va faire attention. C'est que cette fameuse, ce côté en disant, on devient comme la prise de vue continue. Je comprends cette complexité de, évidemment, d'aller en région et de, d'essayer de trouver de l'argent en région, mais pas vouloir travailler et tout. Mais faites attention. Et je resterai, je vais faire moi-même de la censure sur moi-même ou quoi. Il y a des studios qui commencent à faire ça, c'est-à-dire aller en région, dire « Ah, on va vous prendre, on vous met dans le dossier. » Et puis une fois qu'on a l'argent, on ne travaille pas avec les gens, etc. Et encore une fois, c'est comme tout à l'heure quand je disais « C'est pas que des méchants, il n'y a pas que ça. » Et je pense que c'est pour l'instant des pratiques qui sont très très peu. Et c'est quelques sociétés, qui sont d'ailleurs des sociétés souvent qu'on commence en prise de vue continue et qui se lancent dans l'anime et qui font ça. Pareil, j'ai quelqu'un, c'est arrivé, on demande un devis à quelqu'un et que finalement on ne travaille pas avec la personne, mais on utilise le devis pour aller voir d'autres personnes pour ça, sans rien payer, sans rien dire. Un long métrage récent aussi qui a utilisé une image, qui a utilisé des images abstraites de quelqu'un et c'est le studio, ah mais on... et sans utiliser le nom, etc. À un moment donné, ne devenons pas justement des gens qui ne supportons pas le droit d'auteur, les choses comme ça, c'est important. Et je pense qu'en effet, c'est complexe, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, il va falloir pas qu'on tombe dans ce genre de choses où, ouais, où on utilise finalement... un studio par rapport à ça, Juliette. Oui, oui, non, non, c'était pas du tout ça l'idée, c'était juste, oui, oui. Si on était utopiste, si on pouvait travailler avec qui on voulait, ce serait bien de mélanger les origines régionales, quoi, c'est tout. Mais je suis d'accord avec toi, et je pense qu'on a quand même la chance de travailler dans un milieu qui est plutôt sympathique, plutôt, oui, voilà, dans le partage et tout ça. J'ai l'impression qu'en plus, ça évolue plutôt dans ce sens-là, et que plus il y a de producteurs qui sont jeunes et tout ça en animation. Moi, j'ai pas fait d'école d'animation, donc je connais pas forcément très bien les techniques, et de toute façon, c'est ce que tu disais, Anaïs, à chaque projet, chaque auteur arrive avec un peu sa tambouille, sa cuisine, sa manière de faire, et en fait, à chaque projet, on réapprend comment on fait, et moi, je pense que vraiment, il faut que, de part et d'autre, réal et producteur, on fasse l'effort d'aller l'un vers l'autre et de faire les budgets ensemble, de les travailler ensemble, de travailler nos configurations ensemble, et ça, j'ai l'impression que c'est plutôt en marche, donc je trouve ça cool. Ça, c'est un super discours. Si les deux côtés pouvaient s'entendre, ça serait une très bonne chose. On va faire une dernière pause. Je vous propose j'espère qu'elle va marcher, c'est un point web, Nicolas. Donc ça va marcher a priori. Je vous propose de faire une petite pause. Le film est bouleversant, on l'a dit. Moi, rien que de penser que j'entends la chanson, j'en ai des frissons. J'ai absolument pleuré du début jusqu'à la fin. Je sais pas comment on va pouvoir la recevoir le 11 janvier sans que je sois. Marona sort début janvier. On va vous passer la chanson qui clôture le film. Et ce film est magnifique parce qu'en effet, c'est juste l'idée de se dire que peut-être que le bonheur, c'est une toute petite chose et qu'il faut récupérer ces petites choses comme ça. Et qu'en fait, un bonheur de tout le temps n'existe évidemment pas et que c'est ces petites choses. Donc on écoute Isabelle Sorlin qui chante sur une musique en effet de Pablo Picot, « Happiness is a small thing » tirée de Marona. A tout de suite. Happiness is a small thing, almost nothing. A saucer of milk, a bit wet tongue, a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing. A smile, a voice, a heart, jump up. this is morning, almost nothing. A saucer of milk, a big wet tongue, a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing. Et voilà, vous avez entendu Francis Gavel, évidemment, dans la poésie totale qu'on le connaît. Allez, nos trois invités, c'est vous qui allez commencer. Un dernier soir, il nous reste 5 minutes. Mais toi, qu'est-ce que tu vois dans pour l'avenir de l'animation, toi qui n'es pas en animation? Alors, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est plus d'auteurs qui se définissent dans une démarche d'artiste et qui, du coup, surtout dans les écoles, commencent à établir un dialogue avec d'autres pratique, du coup dans l'art contemporain comme on en parlait tout à l'heure, et ce qui va permettre peut-être au médium de l'animation de se regarder lui-même et de se renouveler comme ça. Antoine, ça nous fait un de nos prochains sujets d'émission sur ce sujet. Cécile. Ouais, moi j'avais envie de parler d'éducation à l'image. Parce qu'on a des dispositifs géniaux en France et qu'on a parlé tout à l'heure de diffusion et qu'en fait c'est un peu le cœur, c'est le cœur du système quoi. On a envie en fait que de plus en plus de générations se construisent une cinéphilie pour que ça leur donne envie ensuite d'aller voir des films au cinéma ou ailleurs. Et grâce aux dispositifs scolaires, collège au cinéma et même maternelle au cinéma maintenant, collège au cinéma, école, lycée et apprenti au cinéma. Il y a bien plein d'enfants qui voient des super films, mais on pourrait encore plus s'en servir. Par exemple, là, cette année, il y a La jeune fille sans main qui est rentrée au dispositif lycéen et apprenti au cinéma, ce qui était une super nouvelle. Mais après, quand on regarde dans le détail, on voit que le film a été choisi, parce qu'il y a une autonomie en fait de chaque région, et on voit que le film a été choisi que par 3 ou 4 régions. Dont une région où il a été mis au choix face à un film de Kore-eda. Et c'est problématique parce que évidemment il y a une frilosité par rapport à l'animation. Et si on le met face à un film qui est avec un auteur aussi connu, Palme d'Or, etc., prise de vue réelle, clairement, le film de Lodenbach est moins choisi. Donc ça, c'est dommage. Je crois qu'il y a, peut-être un travail d'accompagnement à faire avec les profs qui sont encore d'une génération où ils pensent que les jeunes n'aiment pas l'animation ou sont loin de l'animation, ce qui est en fait de moins en moins vrai. Moi, je m'en rends compte avec mes étudiants, en fait, la cinéphilie est de plus en plus forte, de plus en plus variée. Ils voient des films... japonais évidemment, américain évidemment, mais de plus en plus européens aussi. Ils ont vu des films folle image quand ils étaient petits. En fait, ils ont une appétence pour ces films-là, beaucoup plus que ce que leurs enseignants peuvent croire en fait. Et donc, je pense qu'il y a un accompagnement à faire de ce côté-là. Juste intéressant ce que tu dis parce que, et je dis pas, Nicolas me racontait justement que ses étudiants, il leur avait proposé et Les Aventures du Prince Ahmed et un autre film, et qu'en fait, en grande majorité, ils avaient, donc de Fritz Lang pourtant, et en grande majorité, ils avaient pris Les Aventures du Prince Ahmed à analyser. Comme quoi, en effet, l'animation, comme tu dis, fonctionne bien. Ils adorent. J'avais fait une journée de sensibilisation pour des lycéens qui avaient la Tortue Rouge au bac en option cinéma. Et du coup, en rebond, on leur avait montré Louise en hiver. Mais j'avais même pas besoin d'animer la discussion. C'est-à-dire qu'ils partaient tous sur des interprétations hyper pertinentes. Ils adorent. Voilà. Et ça, c'était le dernier truc, c'est que, à l'occasion de cette journée, j'ai appris que pour la première fois cette année, en option cinéma au bac, un film d'animation avait été intégré au programme. Donc, c'était La Tortue Rouge, donc super. Mais donc, l'appel, c'est aussi que ça arrive plus souvent. Ouais. Merci, Juliette. Un souhait, une envie pour le futur. Moi, ça sort un peu de nulle part, mais je crois que j'aimerais bien que l'animation s'empare un peu plus, peut-être le court-métrage spécifiquement, mais pas forcément, s'empare un peu plus de genres qui traditionnellement sont plutôt du côté de la fiction en prise de vue réelle, mais typiquement la science-fiction, le film d'anticipation, enfin, je sais pas, en ce moment je regarde Rick et Morty, je me dis mais pourquoi en court-métrage d'anime on va pas plus dans ces genres-là quoi. Voilà, moi ça me ferait super envie. Alors, en effet, alors ça fait 3 thèmes qu'on pourrait utiliser et l'image, évidemment, je vous rappelle, est importante puisque l'image animée peut, moi je pense, faire dépasser encore plus l'idée de couleur, l'idée de sexe, l'idée de tout ça, de genre, parce que finalement, c'est du papier, comme je dis, je ressemble vous qui ne connaissez pas, je ne ressens pas à George Clooney. En tout cas, Francis Cabrel ressemble plus à George Clooney que moi. Donc, quand je le vois au cinéma, ça ne me fait pas du tout penser que je pourrais être lui, alors qu'en animation, je peux me retrouver aussi bien dans La Jeune Fille sans main que dans un personnage, dans Pompoko, dans un Tanuki, etc. C'est le dessin et c'est beaucoup plus facile par rapport à ça. Il y a une émission après nous, normalement, non ? Ils sont là ? Donc, on peut continuer un peu ? On peut dépasser un peu ? Ouah, on peut dépasser un tout petit peu. Donc, pour ceux qui peuvent rester 5 minutes, je sais qu'il y en a qui doivent partir, mais pour qu'ils peuvent rester un petit peu, on peut y aller. Francis, toi, t'as une envie pour le futur ? Je parle pour le monde de l'animation. Pas pour toi. Voilà, vous le voyez pas avec son petit sourire là, dire oh, il m'a proposé, c'est bon. C'est bizarre, non ? Parce que je pense que je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand il y a eu la discussion, là, ce que disait Juliette autour de la production, autour des. Justement de la frilosité ou pas de la frilosité, de pouvoir aussi bien faire, comme tu dis, faire des films punk que faire des films intimistes et pas avoir peur que... en fait ouais, c'est que peut-être finalement l'animation quelque part soit moins systématiquement performante, même si parfois ça peut donner des choses fantastiques quoi, mais qu'elle soit moins performante, qu'elle puisse se permettre de sembler n'être pas grand chose, ce qui est jamais le cas, d'être bricolée, d'être artisanale, et en même temps voilà, ou d'être sur une émotion, sur un sentiment, sur se libérer assis, ouais j'ai un truc, ça y est, se libérer comme ça des carcans de la dramaturgie classique, ou celle d'Yves Lavandier qui de toute façon a tout piqué sur Corneille et Racine, voilà les trois actes et tout, et c'est très bien, hein, ça donne des choses magnifiques, mais faisons des séances d'anti-pitch. Voilà, l'anti-pitch, c'est-à-dire la séance où on arrive, on donne envie, et sans avoir le truc qui est avec le PowerPoint derrière et tout. Ça peut être très beau, hein. Moi j'étais très impressionné quand je l'ai fait avec les étudiants de La Poudrière. Moi c'était bordélique et eux c'était super, t'avais envie de produire tous les films en tout cas. Mais aussi, voilà, qu'il y ait des espaces où on puisse arriver de manière un peu plus, pas déglinguée, mais libre. Voilà, bientôt une séance anti-pitch dans un festival. Non, ça serait intéressant, en cas d'amour, la personne la plus bordélique du monde, quand elle fait une présentation, tout le monde te dit c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et finalement ça donne des films quand même souvent assez passionnants en tout cas, donc voilà. Antoine, on va ou ouais Antoine, vas-y. Qu'est-ce que alors moi j'ai un souhait, ça va un peu sortir de nulle part là, mais moi c'est bien, c'est ça les souhaits. Hein, c'est un des gros espoirs que j'ai eu cette année, c'est que j'ai découvert qu'on avait une scope dans le monde de l'animation qui s'est créée, qui s'appelle Rainbox dans le Nord. Et voilà, moi c'est une idée qui m'intéresse beaucoup, la façon dont on organise le travail dans les studios d'animation. Donc une scope, tu peux nous dire scope, rapidement. Pardon, ouais. C'est une société coopérative, donc c'est une société de production qui appartient à ses employés et donc où chacun, chaque employé a une voix en fait. Voilà, donc les décisions sont collégiales et ça pour moi ça amène des idées qui sont très intéressantes sur la façon dont on organise et distribue le travail en animation. Et comme ça c'est un vrai choix, puisque le responsable te disait que des fois c'était pas évident, il y avait ces réunions toutes les semaines, mais c'était important de continuer, ça implique énormément de discussions, mais je pense que c'est un chemin qui est important à faire, parce que dans beaucoup de productions d'animation que j'ai pu suivre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de soucis qui viennent du fait que justement on a peu de discussions entre les corps de métier. Anaïs ? Alors, on en a déjà un peu parlé dans l'émission, mais si j'ai un rêve pour les années à venir, ce serait justement d'exporter l'animation dans d'autres formes de spectacle. Donc la danse, le théâtre, le cirque, pour que justement des publics se rencontrent, parce que je pense que les discussions post-séance d'animation les plus intéressantes que j'ai eues étaient avec des gens qui ne faisaient pas de cinéma d'animation et qui voyaient un autre film que moi. Et qui ne posaient pas la question, c'est fait comment ? Exactement. Bah, peut-être si, justement, mais ça n'intervenait pas dans la manière dont ils percevaient le film, parce que c'était une question qui se posait après et pas pendant, alors que nous, en tant que techniciens, c'est une des premières choses qu'on se pose dès qu'on voit la première image générique, comment c'est fait. C'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi, la place de la technique. Et ça prend un peu le côté performant et ce qu'on a dit sur Klaus avant aussi au début, c'est-à-dire cette importance finalement qu'on apporte et qu'on aime aussi, je pense, la technique dans l'animation. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est pour ceux qui vont en Théodore Huchef et des choses comme ça, il y a des choses assez extraordinaires, mais c'est vrai qu'il faut que ça apporte, comme tu dis, un propos. Et en effet, c'est fou le nombre de réalisateurs, de réalisatrices qui disent « Ah, j'aime bien quand même quand mon film est à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a plein de gens qui me parlent d'autres choses. » Et que c'est bien le monde de l'anime, mais que c'est souvent un peu des fois les mêmes... Les mêmes questions et les mêmes choses. Si on pouvait se faire rencontrer le public de Annecy et de Avignon, ça serait quand même assez extraordinaire. Après, vous public, après vous, le public d'Avignon, ils viennent aussi un peu. Mais justement, d'où l'idée d'exporter le cinéma dans des salles sans écran. Pascal. Alors, trois petites choses, je vais faire bref. Que le film laiton Away de Gins Zilbalodis trouve un distributeur et sorte en salle. Parce que moi, c'est un des films de c'est presque l'un des plus gros rêves d'aujourd'hui pour l'instant. Voilà. Un autre grand rêve, c'est que le festival de Pantin, qui est dédié aux courts-métrages, apprenne que les films des courts-métrages d'animation existent, parce qu'apparemment, ils ne sont pas au courant. Et. Et pourtant, c'est l'un des plus gros festivals. Hein, parce qu'il y a Annecy en même qui temps. Qui est énorme, voilà. Mais non, c'est parce prétexte, que visiblement. Hein, le... C'est le prétexte. Vas-y, Francis, balance. Non, mais je balance pas. Mais en fait, Jackie Évrard, donc, qui est le directeur, le délégué artistique de Pantin, il y a de l'animation, mais elle est toujours en panorama. Voilà. Mais en fait, et lui, pour lui. Il n'est pas attiré par l'animation, donc il la met en panorama pour que les films soient vus, mais il les sort systématiquement. Ou alors, quand il va en mettre, il faut regarder dans la compétition art vidéo. Parce que là, il va être dans une autre démarche, justement, ça rejoint peut-être ce que disait Anaïs ou Salomé, il va être dans une autre démarche, mais l'animation sur l'écran de cinéma n'entre pas pour lui dans sa compète. Faites attention, parce que c'est exactement pourquoi aussi il faut qu'à un moment donné, le Festival de Clermont-Ferrand comprenne que Labo, c'est peut-être un peu fini, ou en tout cas, on met pas des films d'animation tels quels au Labo. Je crois qu'Acid Rain est en Labo, sincèrement. Il n'y a aucun problème, voire même, à mon avis, mérite largement la sélection officielle pour justement le voir confronté avec un public qui, des fois, a du mal à voir des films d'animation. En tout cas, connaît moins les films d'animation comme ça. Il faut aussi que les programmateurs fassent du vrai. Et là, Labo, chaque année en animation, ça devient quand même un gag. Les films sont très beaux, mais ça devient un gag en disant non, les trois quarts pourraient être en sélection officielle sans aucun problème, quoi. Donc, on a un vrai problème par rapport à ça qui va bien avec Pantin. Ton troisième souhait. Oh, juste un petit truc, voilà, j'espère revoir des films de, je sais pas s'ils ont des projets, mais de Jan Zankmajer, Gary Bardeen, Yuri Norstein et Sbig. Voilà, alors, Jan Zankmajer, pardon, bon, c'est du direct, on a un peu dépassé, pardon. Jan Zankmajer a sorti un film qui malheureusement est sorti absolument nulle part, Insecte, hein, sorti l'année dernière, mais sorti dans aucune salle, passé une fois à Annecy, malheureusement, je vais tout vous dire, récupérez-moi... truc illégal, etc., parce qu'impossible à trouver, enfin, c'est un peu un scandale. Pourtant, il a été cofinancé par Henri Selig, Peter Lord Arman, en fait, ils ont tous donné de l'argent, mais le film sort pas. Alors, il était, paraît-il, pas si génial que ça, mais c'est quand même dommage. Je pense que n'importe quel film de... J'aime bien Costa Gavras, enfin, n'importe quel film de réalisateur, de réalisatrice d'aujourd'hui, qu'on fait déjà 10 films ou 5 films, on le sortirait forcément, ou il y a de grandes chances qu'on sorte en salle, donc c'est un peu dommage. T'as dit quoi après ? Norstein. Pas Norstein, en fait, il en est sûrement à sa 26e minute du manteau. Donc je pense qu'avec un peu de chance, quand il aura 185 ans, si on y arrive, on verra peut-être le manteau, mais je pense qu'on ne le verra jamais. Sbig, Sbig, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Sbig, c'est Steps, notamment. Il avait fait Imagine et ça a fait Tango, notamment. Grand, évidemment, film, malheureusement, il est passé dans les effets spéciaux à un moment donné, puis il est resté un petit peu là-dedans qu'on est, il en est parvenu, et je ne suis pas sûr que Sbig refasse des films. Et le quatrième, t'avais dit ? Norstein. Non, c'était Gary Bardeen. Ah, dans l'autre sens, pas. Et Gary Bardeen, par contre, aucune nouvelle, mais Gary Bardeen a dit cette chose très complexe, mais c'est vrai qu'il disait, c'est Norstein aussi un peu dit ça, on a gagné beaucoup de liberté quand le communisme est tombé, c'est vrai, mais aussi maintenant, il faut faire des films qui marchent. C'est terrible, parce qu'avant, on avait la liberté de faire des films comme L'Horizon dans le brouillard, ou un truc que personne ne comprenait et que les censeurs ne comprenaient pas, donc on les laissait passer. Et on nous donnait de l'argent quand même. Et qu'aujourd'hui, en fait, on nous donne. On est libre, on peut faire ce qu'on veut, mais qu'évidemment, si on fait L'Horizon dans le brouillard, là, les censeurs qui sont maintenant financiers font. Peut-être pas se foutre de la gueule du monde, ça ne va pas marcher. Et donc voilà. En sachant que Gary Bardeen avait quand même sorti un film il y a 3 ans qui était passé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, donc il n'est passé dans quasiment aucun autre festival après, j'ai jamais compris pourquoi. Et depuis, par contre, plus rien. Mais il tournerait toujours, puisque il y a 3 ans, il avait quand même fait quelque chose. C'était tes 3 vœux ? Ça va être dur. Hein. Away aussi de Gins. Regardez-le, c'est un film qui est assez étonnant. On parlait de comment produire. C'est quelqu'un donc en Lettonie qui a été prendre de l'argent pour faire des courts-métrages, qui a fait 3 plus ou moins courts-métrages, moyen métrage, et il a fini par faire ce long-métrage qu'il a mis, espèce de film jeu vidéo. Et alors on parle d'hybridation. Je pense que c'est intéressant aussi. Quand je dis jeu vidéo, c'est parce que pour ceux qui connaissent Shadow of Colossus, il se base là énormément sur des jeux comme ça et il se passe pas grand chose dans le film, il y a une espèce de côté assez, enfin que moi j'aime beaucoup aussi. Et juste petite parenthèse avant de donner la parole à Nicolas, je vous conseille si vous avez l'occasion de voir un film qui est pas sorti et qui rentre complètement dans ce que disait tout à l'heure Francis, c'est-à-dire ces films qui sont pas géniaux, mais qui sont pas nuls, qui sont juste entre les deux, ces petits films qu'on regarde, qui s'appellent Ethel et Ernest. Film très touchant sur ça y est, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais voilà, qui les parents, en fait, c'est les parents de cet auteur, et c'est leur vie, et il se passe pas grand chose, et c'est très touchant. Nicolas, allez, un dernier mot, est-ce que t'as des souhaits? Alors, à part passer par exemple, alors on va dire quelque chose d'utopiste. Quand on voit la séance du Carrefour de l'animation, où en fait il y a eu environ 50% de public en moins, sauf pour la Jap Animation, et où en fait on voyait quand même que quand il y avait de la Jap Animation, les salles étaient complètes, remplies, etc. Au lieu de faire en sorte que, par exemple, des animateurs se mettent à copier la Jap Animation pour attirer les gens en salle, ce serait quand même pas mal que le public de la Jap Animation se tourne aussi vers de l'animation européenne ou autre et vienne voir les films d'animation européens d'auteurs. Donc finalement, qui quittent leur salle, mais qui restent dans cette salle, mais qu'ils aillent aussi dans les salles d'à côté, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'il y a plus de chances que Wes sorte en salle. Donc décidément, bon, là, plus voilà. On avance, plus on arrive à des choses un petit peu délirantes. Marie-Pauline, un petit souhait. Un petit souhait très rapide. On parlait tout à l'heure d'éducation à l'image. Moi, je pense que c'est les adultes qu'il faut éduquer maintenant. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dans les salles de cinéma en faisant des actions, des animations, parce qu'on sait que les gens viennent plus facilement quand il y a quelque chose autour du film. Et notamment, on montre beaucoup d'opéras au cinéma, on donne une coupe de champagne, on fait plein de trucs pour que les gens viennent. Mais faisons des choses avec des films d'animation pour adultes, faisons venir ces spectateurs-là qui peut-être vont venir parce que c'est une séance exceptionnelle et qui ne sont pas du tout familiers. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer aussi de ce côté-là. Merci beaucoup, merci à tout le monde. On a été, merci pour ces 10 minutes en plus. Merci Nicolas pour être resté. Moi, je vais très rapidement dire, en effet, allez voir déjà, mon souhait, c'est que vous alliez voir Tokyo Godfathers, chef-d'œuvre de Ken Satoshi, qui sort enfin en salle après tant d'années. Il y a pas que Miyazaki dans la vie, et ce film n'est jamais sorti parce que tous les créateurs ont dit. C'est pas une actrice. J'ai dit quoi? Ah, bah oui, c'est Minimum Actress, merci de me reprendre. Pascal gentiment, fait c'est pas un tété. Ouais, pardon, c'est la fin et tout. Donc, allez voir Minimum Actress et non pas Tokyo Godfathers, qui lui est sorti en salle. Allez, moi j'ai deux souhaits, qu'il y ait plus de films à réessai, en animation, en long métrage, qu'on le fasse un peu plus. Et que c'est pas un souhait complètement sur l'animation, mais qui j'espère revient sur ce que j'ai au début. Soyons clairs, si aujourd'hui les femmes font autant d'efforts pour nous montrer toutes nos erreurs et tout ce qui s'est passé dans le monde, on a besoin de réinventer une nouvelle masculinité. Et il faut que le film et que le film d'animation passe aussi par cette réinvention de la masculinité. C'est très très important pour qu'on accompagne justement tout ce qui est en train de se passer à côté, et l'animation peut le faire d'une très belle manière, comme a tenté de le faire d'ailleurs Antoine, ici présent dans son film. Donc voilà, merci beaucoup, on se retrouve le 11 janvier avec Anka Damian, et en attendant, je sais pas, il y a peut-être le générique de l'émission d'après, sinon il y avait aussi Nato 3 de Pierre Robert Kampf. Voilà, donc si on voulait mettre ça pour notre générique de fin, donc encore du Pierre Robert Kampf, c'est parfait, et puis après le générique après si vous voulez. À bientôt, encore merci.